On va retrouver l'imitateur officiel maintenant du Doc. Oui. C'est Mickaël. Oui, je suis là. Ça va, Mickaël? Mais je vais bien, et toi? Très bien, merci. Très bien. Mais écoute, si tu as des problèmes, tu peux m'appeler. Ça sera fait. Je suis dans Love in Fun tous les soirs. Je suis pédiatre. Encore un bon délire ce soir, une grosse émission avec Mickaël, nos limites jusqu'à 2h du mat, amusez-vous bien. Eh ben ouais, bah autant que vous à mon avis, on va baisser marrer jusqu'à 2h et puis retour de Love in Fun donc demain, Twitter, Facebook si vous voulez prendre de l'avance et puis Lilou qui va venir bosser un peu ici aussi là parce que j'ai l'impression qu'elle a rien foutu là ce soir. Hein. Moi je l'ai vu se promener, elle a été à on gauche, garde Lilou, à droite. On garde Lilou, je te donne Karel si tu veux mais je garde Lilou. Ouais bah physiquement j'y perds. Hein. Et Mickaël, tu sais qu'elle elle est amoureuse de toi, Lilou. Ouais, je sais, mais le problème, c'est que je fais trop attention physique. Oh, c'est méchant. Allez, viens, il y a Polo qui va te faire un bisou. Viens, je vais t'envoyer. Mickaël, je te rappelle que t'as une petite bite, n'oublie jamais ça. Ah oui, 5 cm. Ouais, c'est vrai. Doc, à partir de combien est-ce qu'on peut faire jouer une fille? J'avais entendu ça. Mais il faut quand même un peu plus. J'ai toujours entendu que c'était 4-5. 4-5, oui. 4 ou 5 cm, non? Tu peux faire comme dans la pub, te regarder avec une loupe et te dire qu'elle a tout d'une grande. Bon, eh bien, je quitte cette radio. Je ne suis pas le bienvenu. Voilà, hop, je m'en vais. Allez, je ne vous salue pas. Salut, bisous, Mickaël. Ciao, Mickaël. Mickaël. Mickaël. Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, là. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée après cette soirée de psychopathes qu'on a eu l'occasion de vivre hier, là. Je sais pas si vous étiez là ou pas, mais c'était juste une soirée énormissime, évidemment, avec le chéri, je peux te faire cocu, qui était pas lourd. Il était au-delà de lourd. Ça se passe pour une pute, apparemment. On m'appelle la pouve, là. Tu veux, mais tu sais quoi, mais reste avec eux, nous deux, c'est fini, ok? Voilà, nous deux, c'est fini, ok? T'as compris, donc c'était hier soir ça en direct dans l'émission et c'était cette grande émission hein, ce grand jeu qui était donc le chéri je peux te faire cocu. On va se le remettre ce soir là, promis, vous avez été nombreux à nous le demander là sur Twitter et sur le Facebook cet après-midi. On va se refaire cette histoire de ouf également avec Anna et une de ses deux meilleures amies là, je sais pas si vous étiez là ou pas hier soir. Alors tout le monde s'en souvient, hein, rassurez-vous, ah, là, on vient d'en parler encore là, un peu partout là, je peux vous dire que c'était pas du lourd. C'était pas du lourd, c'était vraiment du très très lourd. Ouais, c'était bon, moi j'ai. Bah, par exemple, il y avait ça quoi. Bah, c'est un peu la merde aux gens, mais c'est ma faute aussi. J'ai baisé la meuf, j'aurais pas dû, t'as vu. Ouais, t'as vu, j'ai baisé la meuf que j'aurais pas dû, t'as vu. Compliqué quoi. Ouais, bon, il était là, tant pis quoi. Ah bah ouais, on pourra pas tout remettre évidemment, mais on vous a prévu un petit résumé avec Roger résumé là. Bien sûr. Qui est avec nous évidemment. Oh, je suis là. Voilà, et puis pour ceux qui nous connaissent pas encore et qui ont peut-être entendu dire qu'il se passait quelque chose là le soir sur Fun Radio, vu comment vous avez été nombreux hier soir là, bah moi c'est Mickaël. Alors au standard il y a Sandro, vous pouvez l'appeler au 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis elle vous passe à l'antenne évidemment pour parler de ce que vous voulez puisque c'est un peu ça également le principe de l'émission. C'est pas plus compliqué que ça pour venir parler avec nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors il y a aussi Tof hein, qui aime les femmes, mais oui. Bizarrement elle l'aime beaucoup moins. Je comprends pas pourquoi. Bah écoute, je sais pas non plus, je me suis posé la question et pourtant il y a une réponse à ça. Hein. Ah bon? Ah ouais, il y a une vraie réponse à mon avis à ça, faut juste peut-être à chercher. Mais à mon avis, c'est moche, non? Oui, il doit y avoir de ça aussi. Puis Polo qui est un petit peu notre philosophe. C'est vrai, je suis le Socrate de la radio, le Platon de pas des non ondes. Plus, évidemment. Bon, en tout cas, si vous voulez parler avec nous, là vous êtes les bienvenus, là comme tous les soirs. Donc je répète, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard, vous appelez d'où que vous soyez, ça décroche puisque Sandro s'y trouve. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et si vous êtes allé faire un tour sur le Facebook là tout à l'heure, je vous ai mis une. J'ai encore du mal parce que chaque fois que j'en parle, je serre les cuisses. Ouais, donc en fait, c'est la radio d'un mec qui s'était introduit une fourchette dans la tub. Et ouais, vous avez entendu, donc c'était pas un cure-dent ou une allumette, non, une fourchette. Une fourchette, il s'est mis une fourchette dans l'urètre. Alors, soi-disant pour se stimuler sexuellement. Mec, il est complètement barré. Oui, ouais, c'est en Australie. Donc, allez voir, en fait, on vous a pas montré la photo de la tub. Hein. Non, c'est une radio, en fait, de ça. Et vous voyez la fourchette au milieu. C'est horrible. Donc, si vous faites des trucs un peu bizarres, là, pour vous masturber, par exemple, venez nous en parler, là. Ça nous intéresse. Surtout Tof. Oui, bah oui. Qui lui va essayer la fourchette. Hein. Il va essayer pour voir. Je peux pas la fourchette. Bon. Tu vas te mettre une fourchette, oui. Ouais, on va te forcer, tu vas voir. Bon, et en ce qui j'allais dire aussi. Oui, tout à l'heure, il y a aussi, il y a la photo hier en Lady Gogol. Alors il y a plein de fans de Lady Gaga qui sont énervés, mais on n'a pas fait ça pour se foutre de la gueule de Lady Gaga. Au contraire, on aime bien Lady Gaga. C'est juste que bah Tov voulait voir s'il pouvait être Lady Gogol en fait, tout voilà. Simplement. Ouais. Voilà, c'est la transformée. Voilà, tout ça. C'est le transformé. Je suis un autre homme. Ah ben on l'a mis hier soir la photo pour aller voir hein, sur facebook.com/michaelofficiel. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce que vous avez fait de plus dingue pour perdre du poids. Non, je me demande ça parce qu'en fait, j'ai lu qu'une fille a avalé un verre solitaire pour maigrir. Mais non. Allez, viens, je vais te manger. Tu vois, t'imagines. Franchement, ça m'étonne pas. Oh l'horreur. Mais ouais, c'est dégueulasse. Bah oui, et puis comme tous les mardis, on va jouer aussi au jeu de la rupture. Là, on appelle quelqu'un au hasard. Et puis vous devez faire la plus belle et la plus longue rupture avec lui. C'est ça le problème. Enfin, c'est ça plutôt. Oui, c'est le problème de d'arriver à être le plus long possible avec la rupture. On joue ce soir et si vous voulez participer, j'ai des iPod Nano ou des casques de DJ à vous offrir si vous êtes bon. Il y a Sandro qui vous attend, donc 01 42 48 5000 et le 02 851 4x0. On a du monde également au standard. Et qui est avec nous? Bonsoir. Alors une seconde parce que je perds tout le monde là. C'est Patrice qui est avec nous là. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir. On parle de quoi dans un instant avec toi Patrice? Nous allons parler de sexualité bien sûr. Bien sûr. Très bien. On en parlera également hein. Comme ça au moins on reste dans la même vibe. Pas de problème. Bon tu restes avec nous. On aura Malo également de Charleroi là. Salut Malo. Salut. Ça va? On va enfin savoir où il a mal. Ouais. Non, arrête avec ta vanne. Oh, tu l'as fait hier là, 100 fois là, c'est dur. Bon, Malo, toi tu nous appelais parce que bah tu nous appelais pourquoi déjà? Parce que moi j'arrive à communiquer avec des chats et tout. Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah alors tu restes là, hein, on va parler avec toi dans un instant, d'accord? Ouais, pas de soucis. Bon, bah bouge pas. Ouais. Et puis on a aussi Nadège dans un instant là, 16 ans. Salut Nadège. Bonsoir. Bonsoir Nadège. De quoi on va parler dans un instant avec toi? Ce serait pour faire un appel aux candidates, en fait. Appel aux candidates. Bon, bah d'accord, écoute, on va appeler les candidates. Alors, dans un instant, tu bouges pas la neige? Non, non, pas de problème. Bon, bah écoute, bah tant mieux alors. Et puis, on va se faire du son aussi avec ce... Matonets qui arrivera tout à l'heure. Ça te branche, ça, Nadège, Motonets? Oui, oui. Ouais, ou alors sinon, tu préfères ce Showtech? Bah, tu me dis, hein. Non, non, ça, c'est bien. C'est ouais, mieux. Bah alors, tu préfères lequel? Sautec, d'accord, ok. Bon, sinon j'ai aussi un vieux là, David Guetta. Ah oui. Voilà, une chanson spéciale pour Toff, la Sexy Beach. Oui. Enfin, lui il serait plutôt tes Sexy Beach, mais bon. Bon, laquelle tu veux alors? Sautec, d'accord, ok. On se mettra Sautec là. On se mettra Sautec avant minuit, promis, Nadège. T'inquiète, pas de problème, d'accord? Allez, bouge pas de la Nadège. Et puis je vous rappelle donc le concept hein, de l'émission. Il y a toujours évidemment des cadeaux à gagner avec les iPod Nano. On a aussi les casques de DJ qu'on va vous offrir tout à l'heure. Et pour gagner l'iPod Nano, c'est facile. Vous pouvez vous rencarder directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous avez la petite photo avec l'iPod Nano. Vous faites un like et puis pas plus compliqué que ça. Hein. Vous repartirez avec l'iPod Nano si vous êtes tiré au sort. Et puis on vous attend également sur le Twitter et sur l'Instagram. Alors comment vous dire que j'ai passé ma journée à follower tout le monde là? C'est-à-dire que on était avec Polo en train de pour. J'allais dire en train de picoler. Oui, on était au bar, on était là. Non, pas du tout. Ah, j'ai bu un mojito, ça va, un seul. Voilà. Donc ouais. on était en terrasse tout à l'heure et puis j'ai followé. Il followé. Ah bah j'ai followé à mort. Hein. Donc il voilà. Donc followé. si vous voulez venir nous rejoindre, comme je l'ai dit hier et je l'ai promis et je l'ai fait d'ailleurs. Hein, si vous faites un petit follow sur MIKL officiel sur Twitter ou sur Instagram, MIKL officiel aussi, je vous follow back. C'est comme ça. Voilà, donc j'en ai followé. Grand seigneur, bravo. J'en ai followé back plein. Aujourd'hui, voilà. Et puis il y a Honest Forever aussi qui dit Lady Gogol mort de rire. Dégueulasse la fourchette, c'est Spirou. Ah bah elle est horrible la fourchette, allez voir, c'est juste une horreur. Mickaël, je conduis des Lamborghini et ça fait pas fuir les femmes. Étonnant, tiens. Bizarre. Si tu peux nous en prêter une aussi à Loca, ce serait cool. Il y a quoi aussi Unreachable sur Twitter qui dit une fourchette pour se stimuler. Non, mais il est pas normal. Non, bah je suis assez d'accord, effectivement. La fourchette pour se stimuler, c'est. Quoi? Bah c'est, oui, moi-même je suis surpris, effectivement. Top, bon, va essayer. Ouais, il y a DJ Axel. DJ Axel qui est là d'ailleurs. Oh mais DJ Axel qui m'accueille comme il se doit. Skill 6. Bonsoir au roi de la radio. Oh, du roi. Eh oui, effectivement. Oui, bon merci DJ Axel. Envoyez les femmes. Voilà. Les bon, et puis il y a aussi Clara là qui a envoyé un message sur le Twitter. Allez, c'est parti pour une super soirée avec Mickaël, Toff et puis toute la team hein, Polo également et puis Sandro oui. Au standard. Alexandre qui dit ce fut un parcours du combattant pour pouvoir écouter Mickaël en Espagne, mais je suis là. Ah ben c'est très bien. Bravo. Hola, qué tal? Comment Eh, écoute, j'espère que t'as bouffé des bons churros aussi. Et puis, Martin Garrix aussi sur le Twitter qui dit en mode Mickaël, nos limites, là, j'adore le meilleur, je t'aime. Oh, merci, Martin. Oh, là, et puis, Abby sur Twitter, il dit ce soir une petite squat de mon lit, je m'en fous, je resterai quand même jusqu'à 2 heures pour vous écouter et pour commenter. Et puis, Arnaud aussi, grosse soirée avec toute l'équipe de Mickaël. Ça va être du lourd ce soir. Cool. Effectivement, tout à fait. Et puis, un SMS qui vient d'arriver. Coucou à toute l'équipe. Et bonne fête à Toff demain. Bisous tout doux. C'est Delphine du 85. Comment ça, bonne fête, Christophe? Tu ne t'appelles pas Christophe, donc ce n'est pas ta fête. Oui, c'est ça. Bah voilà, c'est ça le problème. Je vais d'ailleurs créer la Saint-Off. Ah bah très bien, bah tu peux la créer là si tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais demander à être canonisé. C'est une idée. Bon ben on a Yannick avec nous là dans un instant là. Bonsoir Yannick. Salut Mickaël, c'est tout. Salut Yannick, t'appelles pourquoi? Dis-moi Yannick. Bah en fait moi je cherche un appart sur Paris et je galère vraiment. Ah bah écoute, ouais. Ça tombe bien, moi bah aussi. Parce que t'as fait, bah moi aussi je suis toujours l'hôtel hein, note hein. Alors qu'à faire une coloc. Voilà, ouais, c'est ça. Je fais une coloc à plusieurs. Bah oui, pourquoi pas, c'est après ça coûte moins cher, c'est mieux. Bon, moi j'ai pas de papier hein, donc je peux pas vous aider. Ouais, mais tu cherches un appart genre attends. T'as pas de papier, t'es clandestin? Bah un peu ouais. Oh le clando, t'as pas. Ah ouais, mais non, il a pas de papier toi, t'as vu sa tronche, tu vois bien qu'il est pas il est pas d'ici quoi. On va le balancer à l'immigration. Voilà, mais on peut vraiment, il a pas de papier. C'est une chose qui arrive. Bon, donc Yannick, donc toi tu cherches un appart sur Paris en coloc, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est deux. Et c'est quoi votre budget? Ah bah 100 euros. 1300 euros. Ah oui, oh, bah ça va. Ah oui, bah très bien. Mais t'es blindé. Ah bah mec, comment t'expliquer que 1300 boules, mais pour les deux là, donc 700, enfin oui, un peu ça. Moins de 700 chacun quoi, d'accord, 650. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, on en parle dans un instant Yannick là. Si vous aussi vous avez déjà essayé de trouver des apparts, vous avez trouvé, comment ça s'est passé, il y a Toff qui a plein de trucs à nous dire à ce niveau-là. Ah, il a été tapé un jour par un propriétaire. Ah oui aussi. Ah oui. Ah oui, une grenouille. Enfin, je vous expliquerai. Ah, mais il a été violenté, frappé, d'où d'ailleurs sa gueule. Voilà. Hein, d'où sa gueule, complètement ravagée. C'est de là que ça me vient. Bah, exactement, ça vient de là. Il s'est même fait escroquer. Et oui aussi. Il s'est fait escroquer. Tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Ça, Mickaël No Limit. Là, on est là jusqu'à 2h du mat. Nouvelle émission jusqu'à 2h du mat dorénavant sur Fun Radio tous les soirs. Du lundi au jeudi. Et puis le dimanche de 20h à 23h. Voilà. Notez tout ça correctement. Notez tout ça bien dans l'agenda, tout ça, etc. Et puis, les cadeaux à gagner aussi dans un instant. Là, venez nous rejoindre. Donc, comme je le disais, Mickaël officiel sur Twitter et sur Instagram. Vous me followez. Je vous follow back juste après. Ça et donc, rigole pas. Ah, bah, ça rigole pas. Je peux te le dire. On revient dans un instant sur Fun Radio avec, le son de moteur. Comme promis, je vous l'avais promis, je vous le cale dans un instant. Muttonheads avec Snow White sur Fun Radio. Un truc à dire, Mickaël, appelez Mickaël, nos limites, 01 42 48 5000. Nos limites, Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là où vous soyez en France. Eh ben, venez nous rejoindre, 01 42 48 5000. On est là, en direct avec vous jusqu'à 2h du mat. Et on est les seuls à vous tenir compagnie comme ça aussi tard dans la nuit. Donc allez-y, venez, appelez-nous, 01 42 48 5000. On va parler des galères d'appart aussi dans quelques instants avec Yannick. On a aussi Jérém là qui voulait réagir aussi par rapport à du régime. Là, j'en avais parlé au début de l'émission. Et puis on aura la colle de ce soir aussi avec les cadeaux à gagner, bien entendu, le jeu de la rupture aussi tout à l'heure. Et puis je vous rappelle aussi que vous venez évidemment ce soir nous rejoindre sur le Twitter. Et puis si vous me faites un petit follow, je vous follow back juste derrière. D'ailleurs on salue les nouveaux, là il y a Jean Le Borgne qui est arrivé, il y a Spirou, il y a Quentin, il y a Romain que je viens de faire un petit follow aussi, Karima, Steven, Nalia, etc. Donc si vous voulez venir nous rejoindre et faire monter tout ça, un petit follow sur Twitter et sur l'Instagram M-I-K-L officiel. Bonne soirée tout le monde. Et puis on va se faire le son comme promis de Muttonheads. Maintenant c'est Snow White sur Fun Radio. Shadows in my heart. Allez, bonne soirée avec Fun Radio, c'était Muttonheads. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Et on est en direct sur Fun Radio, là jusqu'à 2h du mat ce soir et comme tous les soirs, hein, du lundi au jeudi, je tiens à vous le rappeler évidemment. Et puis on salue également les nouveaux qui viennent d'arriver là sur Twitter. Là, il y a, c'est Bafoulio qui vient d'arriver, il y a le Toulousain également, il y a Monsieur Fercom, il y a Cynthia, il y a Yass également, Jus, Louis, qui c'est aussi Théo, Clément, Romy, bah, bienvenue à tout le monde, il y a Sol 100% follow back aussi qui est là, il y a Jordan, etc. Donc comme j'avais dit, hein, vous venez me faire un petit follow follow là sur le Twitter de l'émission et puis je vous follow back juste derrière comme promis et ça fait hein, je le fais pendant les titres ou pendant la pub. Donc Mickaël officiel sur Twitter, Mickaël officiel sur Instagram. Venez nous rejoindre évidemment. Plein de messages aussi qui sont arrivés. Il y a Wendy sur le Twitter qui dit il y a déjà eu des histoires avec des cotons-tiges et tout, mais les médocs, les mecs pardon, c'est des malades. Une fourchette, ouais, c'est un mec en fait en Australie qui s'est mis une fourchette dans l'urètre, voilà, c'est par là que voilà exactement. Et il y a Pedro. Pedro, directeur d'antenne, qui vient d'envoyer un message sur Twitter qui dit ce soir, je prends vraiment beaucoup de plaisir à écouter. Eh ben, tant mieux, Pedro. Tant mieux. Ouais, n'hésite pas, avec une fourchette, ça va mieux. Exactement. Il y a Ben aussi sur le Twitter qui dit le bouffon Lady Gogol est clandestin. Oui, bah, manquez plus que ça, effectivement. Et tant qu'il n'arrive pas trop à la porte à cause de ça, ouais. Je suis obligé de me cacher. Bah ouais. Je me maquille pour qu'on ne me voit pas. Ouais, il y a Quentin qui dit, qu'avez-vous mangé, bonbon roi? Ah, oh, bah, tiens. Eh ben j'ai mangé un truc dégueulasse. Faut le savoir. Non, ça vient d'en face de la radio. Il y a un mec qui vraisemblablement. Dis pas ça, il écoute. Dis pas mais ça. Ouais, il mais c'est pas grave. Non, mais c'est bon d'habitude. Mais là, j'ai pris un truc, un panini tomate mozza. Là, pff, ouais, ouais, ça passe mal. Là. Heureusement, Polo, il m'a offert la pomme. J'ai offert la pomme. Ouais, 1,20€ la pomme. Ouais, ah, ça va faire pomme, hein. Le digestif. Ah non non. Ah j'aurais bien voulu, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi Maxence qui dit un nouvel auditeur depuis hier. Là, je vous kiffe déjà. Merci Max sur le Twitter. Là, ben continue à venir nombreux. Célia aussi qui avait envoyé message. Tu nous sort ton lance-flamme ce soir. Je sais pas. Je peux pas tous les soirs. Ça dépend. Faut voir si à un moment il faut mettre de l'ordre quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il va falloir voir un moment si faut mettre de l'ordre ou pas. Mais il est là, hein, t'inquiète. Hein. Il est là. Voilà, il est là, mais voilà, je vais voir, Quentin. Bon, et puis Célia aussi, bah, Quentin qui posait la même question. Le meilleur moment de la journée, écoutez Mickaël sur Fun. Merci, Cookie. Oh, Cookie. Mmh, un bon ça petit me rappelle cookie. Mon chien. Non, mais moi je mangerais bien un petit cookie. Oui, là. Moi ça me rappelle autre chose. Et Hugo sur le Facebook, il dit je vous adore, continuer comme ça. Bah, Mehdi, merci à vous en tout cas, et puis tous les Mehdi aussi qui écoutent. Il y a pas de problème. Yannick, le retour ouais. Là, Yannick avec son problème de location d'appart là. Bon, gros, concrètement là, c'est bizarre que t'aies pas encore trouvé là, avec un budget de 1300 boules. C'est pas mal pourtant. Et ouais, je crois que c'est les arrondissements en fait. On cherche dans des arrondissements, c'est qu'on trouve pas en fait. Ah, mais tu cherches dans quoi? Ouais, 16e, bon, 15e, 8e, c'est ça? Ah, 8e sur les champs, c'est normal. 16e. De quoi? 13 au 16e. Ah ouais, mais enfin 16e, t'es conscient que c'est le plus cher? Ou presque? Ouais, donc, non, je sais pas en fait, moi j'habite dans le sud donc. Ah ouais, bah va dans le 20e, tu vas être bien là. Ouais, c'est pas mal. Si je peux te recommander 18 côté Porte de Clignancourt, t'es au top. Ouais, là c'est bien. Non, non, mais vraiment, en plus t'es tout près de la gare, gare du Nord et tout ça, gare de l'Est, tu vois, tu peux encore partir en vacances. Oui, c'est bien desservi. Oui. Ah bah ouais, super bien desservi, non mais c'est vrai. Hein. Bon, donc ouais, et c'est quoi le problème en fait? Parce que en termes d'argent, ça devrait aller normalement là. Eh ben ouais, mais c'est qu'on trouve vraiment rien et je reprends bientôt les cours là. Ouais. Et je sais pas comment je vais faire, je vais dormir sous un pont ou je sais pas comment. Ah non, attends, si t'as 1300 boules, viens dormir à la radio, moi je te dégage une pièce hein. on se la fait à l'enfume, je te mets là sous la table de mix, il y a plein de places donc je te mets un petit matelas, 1300€, t'as de l'eau gratos au coin du couloir, non t'as mais une t'es terrasse. Bien. T'as une terrasse. Bien, mec. Franchement ouais, hein, tu peux même dormir à la Belle Étoile hein. Ouais. Vous acceptez les colocs? Oh t'inquiète, pour 1300 accepte tout. Ah ouais, non mais vraiment. Non mais concrètement, on va essayer de trouver quelque chose hein. Si vous avez un appart éventuellement, peut-être un grand, vous êtes sur Paris, la région, oui. Bah ça pourra peut-être éventuellement aider quelqu'un peut-être. Si vous pouvez prendre aussi, Tof aussi le ah, ouais, ça ouais. Serait bien. Si voilà. Tof il cherche quelque chose aussi. Bah, pas cher et sans papier. Oui. Ah bah les mecs ils vont arriver directement là, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon donc du coup si vous êtes éventuellement à la recherche, n'hésitez pas. T'es déjà tombé sur un proprio avec qui ça s'est mal passé ou pas Yannick? Eh ben justement je suis monté sur Paris pour faire une visite d'un appartement avec mon pote. Ouais. Et sur les photos ça avait l'air classe et tout et on arrive en fait c'était dans une cage à poules. Ah bah ouais mais ça. Annonce. Du coup on a laissé tomber quoi. Sans blague. Parce que toi un jour il a reçu une pêche. Hein. C'est-à-dire qu'en fait il était avec un propriétaire et le propriétaire l'a tapé. Ouais. Non, mais c'est réel. Hein. Il était vraiment sans déconner. Un propriétaire charmant, ouais. Gentil, aimable. Non vraiment un mec sympa. Et il est arrivé avec son lance-flamme. Ouais. Voilà. Et ça s'est super bien passé au final, hein? Non. Bah, si, ça va. Attends, nous, on a bien ri, en tout cas. Oui, vous, oui. Vous allez vous dire, soit une patate dans la gueule. Non, mais ce qui est bien, en plus, c'est que, je suis allé voir les gendarmes juste après pour dire, bon, voilà, le mec, il est un peu énervé et tout. Le mec fait, ouais, on sait. Bon, et alors, la première question qu'il me pose, c'est, le père ou le fils? C'est genre, les deux étaient bien connus, quoi. Ouais, apparemment, des services de police, c'était pas mal. Bon, donc, du coup, Yannick, reste là, on va essayer de trouver quelque chose, d'accord? Ça marche, merci. Bon bah bouge pas de là, Yannick. On va aussi revenir tout à l'heure là. Bah, vous vous souvenez hier, on avait eu, bon, on fera un best-of hein, dans un instant. Mais vous vous souvenez hier, hein, pour ceux qui étaient connectés sur l'émission là, on a eu Anna, Charlotte, ouais, et François, Jacqueline. Toute la clique. Et comment ça s'appelait encore? Anna, Charlotte et Tara. Charlotte et Tara, voilà, c'est ça. Et Chloé aussi. Histoire, et Chloé, mais bon, voilà. Et donc pour une histoire de meuf qui supportait pas l'autre, de jalousie à la base en amitié, qui s'est arrivée sur un truc où l'ami avait s'était tapé le mec du lot de copine, enfin bref, ça a fait une histoire. On fera un best-of dans un instant, rassurez-vous. Et puis bah, ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va essayer d'appeler le mec ce soir. On va essayer d'appeler le mec. On a le lance-flamme. Et le lance-flamme est prêt. Le lance-flamme est totalement prêt. Mais on dirait plus une chasse d'eau hein, quand même. Attends, mais va tirer les chasses d'eau pour voir si ça fait ça. Tu vas brûler le cul, tu feras moins la maligne. Exactement, ouais, tu vas voir. Bon, des messages de Romain aussi sur le Facebook. Il dit salut Mickaël et toute la team de Fun Radio. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Bah, on est plutôt content que tu sois là aussi, Romain, parce que si t'étais pas là, on serait bien dans la merde. Il y a The Romain Gordon qui dit Mickaël, pour me stimuler, je préfère le faire à l'ancienne avec un bon film porno. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est plus. C'est mieux, ouais. Enfin, ça fait moins mal, quoi. Oui, c'est vrai. Gaël aussi, Gaël sur Twitter, qui dit j'écoute Fun depuis une semaine et cette émission est énorme, continuez comme ça. Quoi, c'est pour Polo que tu dis ça? Non, il a fait un régime, côté tu énorme. Peux pas dire ça. C'est vrai qu'il a fait du camp. Non, je peux dire ça, c'est faux, j'ai pas fait ce truc de... Enfin, ce truc. J'ai pas envie d'avoir de voilà. Bon, il y a aussi Hugo qui dit je suis nouveau depuis hier, là, je kiffe, je vous fais de la pub à tous mes potes. Ça, c'est une bonne chose, voilà. Tiens. Voilà. Eh ben bravo à toi Hugo. Bravo. Toi tu as un joker, tu peux dire une connerie, tu n'auras pas de rôle en flamme. Je propose qu'on fasse comme dans les trucs de régime, c'est si tu fais venir un pote, on te fait 10% sur un truc. Ah merci, ouais, c'est pas mal. C'est une idée ça, c'est une idée. Logan qui dit bonjour à toute l'équipe, vous êtes vraiment au top, cette équipe est nickel. Ben merci à toi et puis Liliane qui dit continue, tu déchires. Merci pour tous vos messages et puis continue à venir nous rejoindre également hein, sur le Twitter et sur Instagram, vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Vous me faites un petit follow, je vous follow back juste derrière. Alors j'ai dû prendre un peu de retard maintenant, la dernière fois que j'ai fait des follow back, c'était pendant la pub, donc j'ai ouais, t'as du retard quoi. Oui, j'ai un peu de retard, oui, mais il faudra attendre la prochaine pub et puis je vous followerai back juste... Ah oui, là, j'ai un peu de retard, oui. Bon, on fait ça dans un instant, on bougez pas de là et puis on va se faire. Oh bah il y a Grace qui est là. On dit Grace ou on dit Grace? Grâce. Ah, t'es sûr que tu veux pas dire Grace, hein? Non. Et tu viens parler de régime? Non, pas du tout. On vient faire la colle du jour, là. C'est parti. Allez, c'est parti. La colle du jour avec Grâce qui est avec nous, Sergi, 18 ans. Ça va bien, Grâce? Oui, ça va très bien. Bon, bah, tant mieux. Sois la bienvenue. Alors, Grâce, tu vas tenter de repartir avec un iPod Nano ou avec un casque de DJ? Alors, il existe. Une seconde, t'emballes pas. Tu prends quoi si tu gagnes? L'iPod. L'iPod Nano, d'accord, ok, ouais. Très bien. Bon, Grâce, alors attention, je rappelle le principe, tu vas poser une colle. Si tu arrives à ce que aucun auditeur ne trouve, ou en tout cas l'auditeur qu'on appelle ne décroche pas par exemple, tu repars avec, en l'occurrence, l'iPod Nano, puisque c'est ce que tu as choisi. Si jamais un auditeur ou une auditrice trouve la bonne réponse et la donne à l'antenne, évidemment tu perds tout. Bon, très bien. D'accord, d'accord. Bon, ouais. On y va, alors. Grâce, alors. C'est parti. Ça, franchement, ça m'ennuie de j'ai l'impression de t'insulter quand je t'appelle Grâce. Ah non, c'est mignon, Grâce. Non, mais après, non, mais je sais que c'est un joli prénom à la base, mais c'est parce que je suis focalisé sur autre chose. Bon, vas-y, Grâce. Tout le monde est focalisé sur ça. Bah ouais, je sais, ouais. C'est alors parce vas-y, on t'a vu, c'est pour ça. Mais ouais, probablement. On t'écoute, Grâce. Il existe une similitude entre sanguin et pirate, quelle est-elle? Il existe une similitude entre sanguin et pirate, quelle est-elle, c'est ça? Ouais. D'accord, il existe une similitude entre sanguin et pirate, quelle est-elle? Bon bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer là, vous envoyez votre réponse maintenant par SMS, vous envoyez MIKL au 64 900, et si vous êtes en Belgique, bah vous envoyez MIKL au 6322 et en mettant évidemment la bonne réponse, ça tombe sous le sens hein. Bon, on répète encore un petit coup, Grâce. Il existe une similitude entre sanguin et pirate. Quelle est-elle? Bon bah allez, à vous de jouer maintenant. 64 900, vous débutez le message par Mickaël. Et pour la Belgique, vous débutez votre message aussi par Mickaël avec la réponse. Et vous envoyez le tout au 63 22. Bon bah Grâce, on te récupère tout à l'heure, d'accord? D'accord. À tout à l'heure, Grâce. À l'heure. Allez, il y a Jérémy aussi qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Mickaël, bonsoir l'équipe. Comment ça va? Toi? Bah oui, écoute, moi j'ai plutôt bien, Jérémy, hein, tranquillement là. 23 ans, t'appelles de Neuilly-sur-Marne, dans le 9-3, c'est ça? Exactement. Parfait. Et je tiens à préciser justement que Sandro a une magnifique voix et elle est magnifique en plus. Oh, de bah dis donc, c'est que t'as un dossier là, hein? C'est mignon. Bah oui. Dis donc. Bah, ma première cadeau. C'est pas c'est comme ça que ça marche. Par contre, Jérémy, tu n'auras rien pour la peine. Bon, Jérémy, tu nous appelais pourquoi là-bas, toi? Bah pour l'histoire d'origine, quand tu disais qu'il y en avait carrément qui allaient jusqu'à mettre des oui, verres bah solitaires. En fait, ouais, ben bah voilà, c'est une bonne femme en fait qui a avalé un verre solitaire parce qu'elle voulait faire régime. Elle est complètement ouf. Ça c'est un coup à se tuer, mais bon. Ouais. Donc bah moi j'étais en surpoids, je faisais un peu plus de 90 kilos et en tu mesurais combien? 1m67 exactement. Oui, t'es en surpoids, oui, oui, t'étais plus léger, surpoids. Léger, léger. 90. 1m67 et 90 ouais, kilos, pas oui, c'est beaucoup. Non plus. Bah, si, 76, pas 67. Hein. Ah, un 76, d'accord, hein. Ok, très bien. Ah, oui. Bon, on va arrondir, 1m80 et 90 kilos, c'est ça? Un peu plus de 90, hein, 92, content. Bon, mais ouais, voilà. Bon, ben, on arrondit, quoi, on arrondit. Bon, ouais, t'étais un peu en surpoids, t'étais pas obèse non plus, hein. Bah, un petit peu, je mangeais McDo, tu sais que... Ouais, mais voilà, mais tu sais que moi, j'ai le même problème, hein. Quand je monte sur cette connasse de balance, elle me dit que je suis obèse. Elle est sérieuse? C'est vrai? Non, mais c'est vrai, hein. Ah ouais? Je monte dessus, elle me dit obèse, fat et obèse. Mais je dis, va te faire enculer. Mais non, mais elle est pas bien, du coup, j'ai pris une autre. Ouais, bon, ouais, d'ailleurs, il y a un mec qui l'a reçu par la fenêtre sur la gueule, mais non, non, mais du coup, j'ai enlevé, ces conneries, là, tu sais, tu montes, ça te met plein d'informations, là, du coup, j'ai pris une bonne balance à l'ancienne. C'est qui ferme sa gueule, tu vois, qui donne juste le poids, au final, c'est ce qu'on lui demande, hein. Et ça marche. Bah, sinon, tu calcules ton IMC. Balance qui ferme sa gueule. Et non, mais tu vois, l'autre, elle te dit, obèse. Attends, t'es sérieux, quand même, Non, mais, quand même pas déconner, François. Bon, alors, du coup, Jérém, donc, t'as fait régime, toi, t'as fait comment? Je me suis surtout mis déjà à arrêter de manger trop souvent McDo, donc maintenant, j'y vais deux fois par semaine. Maintenant, il va au couic. Ah, tu vas deux fois par semaine, maintenant? Oh, bah, ça va, alors. Bah, c'est rien, ça, deux fois par semaine. Voilà. Mais sauf, comme je disais, c'est que je suis passé tous les jours d'une demi-heure de marche à pied à maintenant 4 heures presque de marche à pied par jour, quoi. Ça fait plus d'un an, maintenant, que je fais, soit 2 heures de vélo, 2 heures de marche, Ouais. Je dois à peu près 1200 calories en une journée, quoi. Eh ben, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal. Tu fais ça, tous les combien? Comment? Tous les jours. Tous les jours, tu fais ça? Ah oui, de 14h jusqu'à 18h, des fois je suis entièrement occupé, puis quand je travaille, je vais au boulot à pied, je mets 1h20. Ah, mais ça c'est bien, hein. C'est les conneries quand même, mais le fait effectivement de pas prendre l'ascenseur, de pas prendre l'escalator, ouais. De marcher au lieu de prendre un bus pour un arrêt par exemple, ou de prendre la voiture pour faire 500 mètres, ouais. Non vraiment, hein, c'est des conneries comme ça, mais additionné sur l'année, ça fait du bien. Mais ce qui est chiant, c'est que dès que t'arrêtes... Ah bah tu prends tout. Bon, bah, ça, c'est... Ah bah ouais, là, c'est clair. Bon bah bouge pas de là, Jérém. On va reparler avec toi dans un instant là. Et on va se caler le son de Showtech maintenant avec Slowdown. On parlera également dans un instant des problèmes de colocation, d'appartement, etc., etc. On aura grâce également là pour la petite colle de ce soir pour repartir avec un iPod Nano avec un casque de DJ. Wow, on en parle dans un instant. Et ouais. Et je rappelle qu'il y a toujours un iPod Nano gagné aussi sur le Facebook là, uniquement pour ceux qui sont sur Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. Allez, bonne soirée, Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat. C'est Fun Radio et le son de Showtech à l'instant, c'était Slowdown. Oui, c'était soyez les bienvenus si vous venez de débarquer là. On est là tous les soirs sur Fun Radio avec dans quelques instants. Bon, on va se le faire maintenant. Tiens, Grace est toujours là pour la colle. Oui. Parfait, allez hop, c'est parti. Et on donnera la réponse tout à l'heure à minuit là. Donc dans 25 minutes, soyez bien à l'écoute de Fun. Alors attention, la grâce. La colle, grâce. On y va. Je rappelle le concept, tu poses une colle. Si les auditeurs trouvent la bonne réponse, eh ben, ils doivent envoyer la réponse par SMS. Et s'ils s'en tirent au sort et qu'ils passent à l'antenne, eh ben, c'est gagné. Si personne ne trouve, tu gagnes toi, d'accord, grâce? D'accord. Bon allez, c'est parti, repose la colle. Il existe une similitude entre sanguin et pirate. Quelle est-elle? Voilà, il existe une similitude entre sanguin et pirate. Eh ben, laquelle c'est justement? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il y a un iPod Nano à gagner ou le casque de DJ, c'est vous qui choisirez. Vous envoyez votre réponse, vous envoyez M-I-K-L par SMS suivi de la réponse. Vous envoyez le tout au 64 900 ou au 63-22 pour la Belgique. M-I-K-L est la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Voilà, et vous allez peut-être pouvoir repartir avec votre iPod Nano d'ici quelques instants ou votre casque de DJ. Bon ben grâce. Oui. Et donc il existe une similitude entre pirate et sanguin. Quelle est-elle, c'est ça? Il existe une similitude entre sanguin et pirate. Quelle est-elle? Voilà, c'est ça. Ouais. Très bien. Bon, et ben merci grâce. On te reprend dans quelques instants là, d'accord? D'accord. Et la réponse à minuit, donc restez bien sur Fun Radio si vous voulez repartir avec avec votre casque de DJ ou votre iPod Nano. 01 42 48 5000 numéro du standard si vous voulez nous appeler où que vous soyez, et 02 851 4x0 pour la Belgique, avec évidemment ce magnifique résumé. Attends, Anna qui est avec nous là. Anna? Oui. Ça va bien là? Ben, ça va bien, et vous? Ben, et nous, on est au taquet. Attends, tu penses, depuis quand t'as rencontré hier, là, je peux te dire que... Ah, on a passé... J'ai l'impression d'avoir bouleversé la radio. Mais hein. Tu as tout changé, là, t'as tout changé. Alors, pour ceux qui étaient pas là, pour ceux qui étaient pas là hier, par week, ah oui, il y avait des gens qui étaient pas là hier, évidemment, il y en a qui nous ont découvert entre temps. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez surréaliste, hier, hein. C'est Anna qui nous a appelé, mais le mieux est d'avoir un petit résumé, n'est-ce pas? Bien sûr, par contre. Allez, résumé avec Roger Résumé, hein, qui est présent avec nous. C'est parti. Bien sûr, je suis Roger Résumé. Bonsoir. Bonsoir. Hein. Et à tout moment, tu peux l'interrompre, Alain, si jamais il se trompe. Hein. D'accord. Ah bah allez, vas-y. Dans l'épisode précédent d'Amour, Gloire et Vulgarité, Cara et Anna voulaient appeler Charlotte pour tenter de résoudre le dilemme qui les oppose. Charlotte, qui est l'amie d'Anna, qui elle-même est l'amie de Tara, qui elle-même n'aime pas Charlotte, revient d'un voyage à La Réunion. À moins que ce soit d'une réunion de voyage. Enfin, peu importe, pour Tara, c'est juste une sale pute. On l'a mal entendu, mais effectivement, c'est une sale pute. C'était très bien. Tara et Sarah, non, c'est Anna. À moins que ce soit Cynthia ou bien Vanessa. Oh, bah c'est pas grave. Hein. Enfin, peut-être que c'était Cassandra. On va savoir. Enfin bon, elles se disputent depuis une semaine, car le mec d'Anna est soi-disant couché avec Charlotte. Mais on n'en est pas sûr. Tu vois ce que tu fais ? Franchement, ça me casse les couilles. Voilà. Michael, armé de son lance-flamme, va essayer de régler leurs problèmes. J'ai un lance-flamme. Ah bah là, il va être très utile, je pense. Oui, oui, oui. Nos trois pétasses ne comptent pas en rester là. Mais c'est toi, sale pute, là, qui tu m'assumes ? T'as un problème ? Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que Charlotte est malade. Très malade. Elle souffre d'une maladie rare. Non, mais je sais pas, tu la regardes, elle a pas l'air bien. Je sais pas, elle a pas l'air nette. Elle souffre d'une maladie rare et exotique. Parfois, ça la pique. Elle l'a contractée lors d'un de ses voyages dans l'océan Indien. J'aime trop la bite, hein. Malgré tout, les meilleurs, pires, mauvais amis se disputent. J'étais bourré, enfin, ça va. Michael est obligé d'intervenir. Ah. Tara n'aime plus Charlotte, qui n'aime plus Sarah, qui elle-même n'aime plus son chien, qui lui n'a jamais aimé personne parce que c'est un chien. Dans Amour, Gloire et Vulgarité, on découvre que Charlotte a bien couché avec le mec d'Anna. Bah, je me suis tapé, baiser un jour en soirée. Malgré les cris, les larmes et les excuses, les meilleurs, pires, mauvais amis resteront brouillés à jamais. L'ex d'Anna et de Charlotte reste introuvable et le chien d'Anna continuera à remuer la queue quand on lui lance la baballe. Bah, c'est un peu la merde, j'avoue, c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû, t'as vu. Dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité, vous saurez si Anna. Franchement, ça me casse les couilles. Va pardonner à Svetlana, sa correspondante russe, qui vit en Turquie avec des amis, de lui avoir pris son t-shirt porte-bonheur Hello Kitty. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Que vous pourrez suivre dans le prochain épisode de Amour, Gloire et Vulgarité. Oh, c'était beau, hein, ça donne envie quand même, là. Qu'est-ce que t'en penses, là, non ? Excellent. Ah, bah, t'as vu, attends, on a quand même bien résumé l'histoire, hein. Bah, en fait, limite, hier soir, j'étais vraiment déprimée, mais ça m'avait tellement fait rire. Sans déconner. Non, mais moi, le meilleur moment, c'est quand ta copine a dit ça. Bah, c'est un peu la merde. J'avoue, c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû t'avouer. Ouais. Elle aurait pas dit cette connasse. Ah ouais, non, mais ouais, t'as vu, j'ai baisé avec, j'aurais pas dû, t'as vu. Anna. Ouais, mais... Ça Ah non, mais elle était énorme, cette histoire. Donc du coup, on va essayer d'appeler le mec maintenant, parce qu'on a eu toute la famille là au final. Maintenant, il reste plus que le mec pour savoir pourquoi est-ce qu'il a pourquoi il s'est tapé ta meilleure amie au final. C'est ça l'histoire. Bon, après, ouais, il était bourré, ça va. Ouais, t'as vu, il s'est trompé, t'as vu. Non, quoi ? Vous lui parlez, hein, monsieur. Ouais, t'inquiète, on va lui parler. Oh là là, ne t'inquiète surtout pas à ce niveau-là. On est prêt. Et on est totalement prêt, Anna. Tu restes avec nous ? Oui, pas de soucis. Bon, ben, bouge pas de là. On va se mettre dans un instant le son de. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Afrojack, ça branche ? Ah ouais, En plus, Chris Brown, il est tellement beau. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on se le met avec As You Friend dans un instant, Anna, tu restes avec nous, le bouge pas de là. On va reparler aussi avec Grace là par rapport à la colle de ce soir. On aura aussi Jérémy par rapport à sa perte de poils. On avait demandé si vous aviez déjà fait des trucs pour faire régime, parce qu'on est tombé sur une meuf qui avait carrément avalé un verre solitaire, en fait. Improbable quand même. Quelle horreur. Et complètement, il y a Andrea qui voulait réagir de Nice, et puis Yannick là qui cherche un appart. Si vous avez des conseils à lui filer, surtout n'hésitez pas, on est là, c'est Mickaël No Limits. Pour ceux qui viennent de débarquer, bah moi c'est Mickaël, il y a Polo qui est là, le charmeur, le beau gosse. Oui. C'est profitant, c'était un one shot. Il y a Toff le pervers et puis Sandro au standard là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Restez sur Fun Radio, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, ouais. 01 42 48 5000 là, pour nous joindre. Allez-y, il y a Sandro qui est au standard. On va parler régime dans quelques instants. On va parler galère pour trouver un appart. Et puis on aura la colle. Donc 01 42 48 5000 pour nous appeler. Et si vous voulez parler d'autre chose, vous êtes les bienvenus. On est là jusqu'à 2h du mat. Donc on a le temps, rassurez-vous. On est à la cool. Je vous rappelle également qu'il y a Bruno dans la radio. Là, il revient là, à partir de vendredi. Ah, ben il y a un moment, faut taffer. Hein. Notre grand ami Bruno, on l'adore. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a le boss de la radio qui voulait faire démarrer lundi. Ils viennent déjà vendredi. Nous. Ils sont forts. Ah, c'est improbable quand même. Bruno dans la radio et toute l'équipe avec plein de nouveautés également. Ce sera donc à partir de vendredi 6h du mat sur Fun Radio. Et puis je vous rappelle également que bah, déjà je vais saluer tous les nouveaux là qui viennent d'arriver sur Twitter. Dieu sait qu'il y en a. Il y a Nadir là qui vient d'arriver. Il y a Camille. Il y a Toutankhamon. Bah cool. Il y a Brandon qui est également. Que pour toi et ouais. Ça c'est beau. Jean Bébert du 76. Il y a Julie également. Seb, Quentin, Léa, Jimmy, Gwen, Jérémy. Bref, et tous les autres qui sont venus nous rejoindre ce soir sur le Twitter, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre tout simplement. Voilà, et puis vous me faites un petit follow, je vous fais un follow back derrière, promis. On écoute Avicii maintenant, c'est Wake Me Up, MIKL No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. Feeling my way through the darkness. Ah, il était bien son Afrojack, hein. Ouais, je me suis gouré de bouton, ouais, ça arrive. Mais une fois qu'il avait démarré, je me dis bon, c'est bah, bon, je vais pas l'enlever. C'était pas mal. Non, j'avais promis le son d'Afrojack, mais rassurez-vous, je vais vous le mettre le son d'Afrojack là. Il va débarquer comme promis, car oui, je n'ai qu'une parole. Il va arriver là. Afrojack et Chris Brown avec As Your Friend. En plus, c'est con parce que Anna elle avait dit ouais, je l'adore, il est trop beau, Chris Brown, hein. Mais oui. Ah oui, mais je vais le mettre, t'inquiète, monsieur Gouré là. Bon, il y aura Martin Garrix aussi dans quelques instants là. T'aimes bien ça, Martin Garrix? Ah, j'adore. C'est mon préféré. En plus, c'est un petit jeune, maintenant que t'es célibataire, il a 17 ans, Martin Garrix. Ah, c'est bien. Ah, bah, c'est bien. Ah, bah, ce sera l'occasion. Ça peut se négocier. Ça peut se négocier. Je suis le Quentin Moziman si tu veux. Ça, je suis ça, je peux te filer. Ah, mais il est trop beau. Il me branche quand même un peu moins. Ah bon? Ah ouais. Ah, et donc, pourtant, il est dessus. Ah bah non, mais c'est pas grave, hein, mais il a du succès quand même, hein. Oh, attends, s'il pouvait ressembler à Quentin Moziman, tu peux te dire que... Ah bah direct, demain je le fais, quoi. Ah bah, je te confirme. Tof, c'est Quentin, mais Quentin Moziman. C'est un peu ça, ouais. Il y a Manon, tiens, sur le Twitter, qui dit hier, j'ai découvert MIKL, et je ne regrette pas MIKL Fun Radio. Bah, bienvenue à toi, Manon, et puis n'oublie pas de prévenir tes copines et tes copains aussi, hein, qu'on est là tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio, et le dimanche soir de 20h à 23h, Unreachable, qui dit deuxième soir avec Fun, et je suis déjà accro, bah c'est cool. Soit aussi la bienvenue, bien sûr, c'est ouais. Pareil qui dit de 23h à 2h, vous me vendez du rêve, vous êtes au top. Eh ben écoute, c'est ce qu'on essaye de faire, mais là, il va falloir payer maintenant le rêve qu'on vend. Hein. Non, parce que bon, il y a un moment, comment t'expliquer que bon. Cookie aussi qui dit je vais écouter la meilleure radio dans mon lit, là, bisous à toute l'équipe. Bah salut Cookie, bonne nuit. Enfin, même si on reste ensemble, évidemment, par la voix, Cookie, bien sûr. Oh, ouais, Agathe qui dit sur le Facebook, la super émission, les gars, merci beaucoup. Youdis, pareil sur le Facebook, salut Mickaël et toute la team de Fun. Super content, que du bon délire ce soir, bah, un peu comme hier aussi d'ailleurs, on s'est bien marré. Et puis on avait fait le résumé avec Anna également, là, Quentin notamment, qui dit merci Tof pour ces résumés, tu m'as tué. Et Shona sur YouTube, n'importe quoi, sur Twitter, qui dit ouais Mickaël, c'est de la balle, je vais faire péter la pub dans le 28, là, ça va péter sa mère. Parfait Shona, merci ouais. À toi. Et Wendy qui dit enfin nous allons pouvoir savoir quoi pour le mec de la pote à Charlotte qui a couché avec elle. Ouais, une histoire, un truc de ouf. Et Let's Be Freak sur le Twitter qui dit mortel le résumé de Roger, là, j'ai adoré. C'est Robert. C'est Robert, hein, pas Roger. Ah mais non, j'ai dit Roger, non, j'ai dit Roger. Ah pardon. J'ai dit Roger, Liliane aussi qui dit je vous adore, je veux un casque. Ah dis donc Liliane, t'as vu, tu nous fais un compliment puis tu essaies de gratter derrière. C'est ça qu'ils font de plus en plus. Mais là. Ouais. Et, je vous rappelle qu'un cadeau, ça se mérite, ça ne se demande pas. Faut lui brûler la gueule avec le. Exactement. Ouais. Merde, pardon, je suis gouré. Oui, j'ai mis un autre son là. Bah oui, parce que j'ai pas assez de machine là. Faut que je retourne dans mon truc là. C'était dans. J'ai oublié. Bon bah voilà. C'est pas grave. Ah voilà, tu m'as foutu dans la merde là. Je suis désolé. Ah voilà. Je l'ai mon lance-flamme, voilà. Et Alexandre qui dit vous êtes excellent, ben merci en tout cas. Bon alors on va donc récupérer notre amie Anna, on va essayer d'appeler la copine là. Ouais. La copine, on va essayer d'appeler le copain, pardon, autant pour moi. Et puis on fera. Eh putain, on aurait pu faire le jeu de la rupture avec toi là. Ouais. Ah bon, bah écoute, ça aurait marché, hein. Ah, ça aurait été au top. Bah, le jeu de la rupture, on va le faire là, dans quelques minutes si vous voulez le faire avec nous, le jeu de la rupture. Il suffit simplement de vous inscrire maintenant là. 01 42 48 5000, vous appelez Sandro. Ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Il y a un iPod Nano à gagner ou un casque de DJ. Le concept est simple, on appelle des gens au hasard. Et bah, si vous arrivez à tenir le plus longtemps possible avec une discussion de rupture, donc vous appelez genre. Ouais non écoute, ça va plus, c'est plus possible entre nous. Mais ça peut être un mec, ça peut être une femme, ça peut être un jeune, ça peut être un vieux, ça peut être n'importe quoi et n'importe qui. Voilà. Donc si vous voulez jouer la rupture, on va jouer d'ici quelques minutes. Bon, Anna. Oui. On va y aller là un moment, hein. Bah, il faut. Écoute, bah ouais. Toute cette histoire là. Alors c'est ton mec, c'est ça? C'est mon ex. Ouais. Bah c'est ton mec qui ex quoi. Ex ou mec? Ah non, c'est mon ex parce que depuis que si tu veux, moi je savais qu'il m'avait trompé mais je savais pas avec qui. Ah! D'accord, mais donc là tu lui as déjà dit que c'était fini? Ah oui, c'est fini, et c'est pour ça que qu'il n'entend plus parler de moi en fait. Bon, attends, on va quand même l'appeler pour lui poser la question. Donc, alors, toi t'es Anna, et donc il a couché avec Tara. Non, Charlotte. Non, avec Charlotte. Et Tara a balancé. Ouais, voilà, c'est ça. À Anna. C'est ça. Tu n'as rien écouté dans l'épisode précédent. Oui, non, mais c'est bon, Roger, on va t'en recommencer, là, c'est bon. Et il y a eu Chloé, hein, je précise, parce que moi, c'est. Il y avait Chloé, ouais, Chloé. Donc, et... alors, du coup, comme c'est Tara qui a balancé, il doit être vénère sur Tara, c'est ça? Ah, c'est possible. Ouais, je pense que oui, il doit l'avoir en train. Bon, écoute, je vais pas. On va l'appeler. De toute façon, voilà. J'ai mon lance-flamme, voilà. Je suis couvert. Hein. S'il écoute, hein, je pense pas. Hein. Ah, mais s'il écoute pas, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux s'il écoute pas. Je vais me faire passer pour le mec de Tara. Bah non. Je vais lui faire la morale. Je vais dire, écoute, c'est pas bien, c'est affaire. Ah oui, d'accord. C'est Charlotte. Ah non, Charlotte, c'est celle qui a balancé. Non, Charlotte, c'est celle qui a couché avec. Oh là. Mais il suit rien. Mais si, mais je suis, mais je comprends rien là. Précédent d'amour, la vulgarité. Tara et Anna voulaient appeler Charlotte. Ah oui, voilà, c'est ça. Pour résoudre le dilemme qui les oppose. C'est bon, Roger résumé. Juste une dernière question, Anna. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes là? Non, je crois que vous avez fait le tour là. Ah, on a fait le tour. Tu nous trouves quelqu'un d'autre. Bon, donc Charlotte a couché avec ton mec. Et oui. Tara, c'est celle qui a balancé. Voilà. Oui. Donc moi, je vais dire que ça marcherait peut-être mieux si je dis que je suis le mec de Charlotte, non? Ouais, je vais le chauffer comme ça. Elle ressemble à quoi, Charlotte? Blonde, brune? Charlotte, elle est blonde. Elle est blonde, ok, très bien. Elle a des gros seins. Grande, petite. Oui, c'est ça, voilà. C'est l'information que j'ai retenu dire. Elle a des gros seins, j'ai oublié ça. D'accord. T'aurais dû lui faire les chiffres. Mais c'était un peu tendu, t'as vu hier. Ouais, t'as vu. Oui, ça. Non. C'était plutôt tendu, je te confirme. Bon, allez, c'est parti, on y va, on va l'appeler. Il s'appelle comment, lui? Lui, il s'appelle Guillaume. Parfait, très bien. Bon, on y va. Ah, avec un O, donc. Oui. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Bon, allez, c'est parti, on y va. Je l'appelle et puis on verra bien. Donc je suis le mec de Charlotte. Charlotte. Ouais. Qui a couché avec le mec. Oh merde. Ah non, ça va. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Bah, merci Guillaume. Ne quittez pas. Qu'est-ce que dans quelques secondes. Starsky. Ouais. Tu lui diras qu'on a descendu de floor à mettre son truc. Hein. Ouais, allô, c'est Guillaume. Ouais, salut, dis-moi, je t'appelle parce que j'ai appris un truc là. Moi, je me présente, je m'appelle Michel. Attends, deux secondes. Ouais. Ouais. Et oui. Bah, en fait, j'ai eu le numéro de téléphone, ton numéro de téléphone via Tara. Tara, ouais. Ouais, et j'ai un gros souci avec toi. Hein. C'est quoi le souci? Bah, en fait, tu t'es tapé ma meuf, quoi, Charlotte, donc. Non, tu viens de me parler de Tara et qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est Tara qui m'a donné ton numéro parce que Charlotte voulait pas me le donner, donc j'ai enquêté et je me suis rendu compte, en fait, que tu t'étais tapé ma meuf. Donc, il y a un moment, tu vois, moi, ça me fait pas plaisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Attends, qui tu es, en fait? Je suis Michel, je suis le mec de Charlotte et donc j'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone parce que j'ai enquêté et j'ai vu, en fait, que tu t'étais tapé ma meuf. Donc, il y a un moment, ça se fait pas, tu vois ce que je veux dire? Je connais même pas Charlotte. Arrête ton cinéma, t'as couché avec elle, t'es sérieux là? T'es en train de me la faire à l'envers ou je rêve? Je connais pas de Charlotte. Non, si, arrête un peu. Une meuf, une blonde avec des gros seins, t'es ouf ou quoi? Ça s'oublie pas, ça, hein? Ouais, non, je connais pas rien, je connais pas de Charlotte. Dans une soirée, tu l'as rencontré dans une soirée, arrête de me la faire à l'envers. Oula. Ah oui, t'es au courant de cette soirée. Attends, tiens, alors du coup, ça y est, il a oublié, maintenant ça lui revient. Non, mais ça a rien à voir, ça. Enfin, t'es sûr, je connais pas de Charlotte. Non, mais tu t'es tapé une meuf, une blonde avec des gros as, là, dans une soirée. Non, mais quel rapport? Enfin, rapport? Bah, c'est ma meuf, c'est ça le rapport. Oui, non, mais d'accord, mais d'une, la meuf que je me suis tapé à cette soirée-là m'a jamais parlé de ça, de toi, ni de personne. Ah bah non, ça, elle va pas arriver. En plus, voilà. Elle a l'air éméchée, donc elle va pas arriver en disant « mec, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire ?» Voilà, donc si t'as un problème, règle ça avec ta meuf, moi, j'ai rien à voir. Ah bah non, mais moi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis un mec. Je tombe sur le mec qui s'est foutu de ma gueule. Donc voilà, moi, j'aimerais bien qu'on se voit. J'aimerais bien qu'on se voit, je te pète ta gueule, et puis c'est fini, on les quitte, quoi. Vu le temps de ta voix, à mon avis, t'as pas l'air bien énervé. Donc si tu veux, on peut se voir, y a pas de problème. Non, mais c'est parce que je reste calme, je garde mon énervement quand tu seras devant moi. Bien voilà, sûr. Je reste gentleman. Ah bah super, ok. Ouais. Allez, c'est comme tu veux, mec, mais demande d'abord à ta meuf ce qui s'est passé. Comment ça, dis donc? Tu veux rester en dehors, mais pendant que t'étais en train de te la faire, t'es pas resté dehors, hein? Non, mais vous commencez à me péter les couilles, là, sérieux. Et moi alors? Moi, j'aurais bien voulu aussi, hein. Non mais sérieux, toi, tu dis à ta meuf d'arrêter là de parler de moi tout partout, à droite, à gauche, là, c'est bon, c'est rien ce qui s'est passé, faut qu'elle arrête. Parce que là, ça commence à me péter. Non mais attends, tu t'es rendu compte de la chance que t'avais au moins là pendant que t'étais en train de te faire ma meuf? Non mais par contre, bref. Quoi? Non, vas-y, sois franc, là, on est entre mecs, alors vas-y. Non, mais... Ouais, voilà, ta meuf, c'est pas non plus, c'est pas une référence, donc, ouais, comment ça, c'est pas une référence? J'ai fait avec ta meuf, parce que ça sert à rien, donc, j'ai fait le con, c'est tout. Mais elle sert à rien, ta meuf. Bah, comment ça, elle sert à rien? Genre, tu t'es pas amusé avec, sa paire, là? Ouais, non, mais d'accord, mais y a que ça qui est intéressant chez elle, mec. Après, j'en sais rien, j'ai pas bien parlé avec elle, mais. Bah, dis donc, t'as vu ta meuf, toi? T'as vu Anna, quoi, elle ressemble? T'es sérieux, là? Tu fais une comparaison? T'as vu le boudin? Non mais Anna, enfin je sais pas, tu connais Anna en plus, tu connais tout le monde en fait. Bah oui, forcément, Anna, force d'enquêter, moi j'ai vu tout le monde sur Facebook et tout le bordel, j'ai vu la gueule de tout le monde. D'accord, mais déjà c'est plus ma meuf Anna, donc voilà. Ah si, bah t'as bien fait pour ta gueule, tiens. Ah super, non mais à cause de vous, donc voilà justement. À cause de moi? Mais alors, c'est-à-dire que moi je suis au milieu, tu tapes ma meuf et c'est moi le coupable. Mais non, mais c'est à cause de ta meuf là, elle raconte n'importe quoi partout et... Non, c'est à cause de toi, c'est toi qui a été trempé ta merde là. Non mais ça y est, c'est bon, c'est Beverly ce truc quoi, ça va. Non mais c'est le genre, mais en attendant, et comment? Bah on va te laisser tranquille, bah oui monsieur, c'est la victime, le pauvre. Non mais laissez-moi tranquille, j'ai déjà perdu ma meuf à cause de ça. Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'y peux rien, moi. Donc règle tes problèmes avec la tienne, laisse-moi régler les problèmes avec la mienne et puis c'est bon. Ah et du coup moi je suis comme un con milieu quoi. Bah exactement. Donc, ah ouais d'accord, ok, ouais, bah très bien. Super. Bon et quand est-ce qu'on se voit que je te mette une patate là, parce que tu m'as l'air un peu un but de ta personne là. Et je pense qu'il y a un moment où faut que quelqu'un il te remette à sa place là. Super. Mais en fait, t'as quel âge, mec? Parce que t'es un pédophile ou quoi? C'est quoi que tu... Mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais mec, on dirait que t'as une voix de daron, là. Et j'ai une voix de daron? Oui, t'as une voix de daron, ouais. Ah bah, tu veux voir si j'ai une gueule de daron et si j'ai un point de daron? Ouais, c'est ça, mais on dira tout que t'es un daron, mec. Ah ouais? Pas ce qui se passe. Et rigole, il est content. Non, mais bref, c'est pas grave, mais c'est quand tu veux. Ouais, ça, j'y parie, moi, si t'as pas mué, si t'as pas de couilles, hein. Ok, vas-y, bon. Bref, demande à ta meuf si j'ai pas de coup, elle t'expliquera et après tu me rappelles. Ah bah okay. Je croyais que c'était un mauvais coup, que voilà. Rien, que si, que t'avais oublié. C'est-à-dire qu'il y a deux minutes t'avais oublié, maintenant t'as plus oublié. Bon bah bref, voilà, tu me casses la tête là mec, c'est vrai, tu me casses la tête. Ah bah moi aussi, moi j'ai envie de casser la tête aussi justement. Alors on se voit quand alors? Quand tu veux mec, quand tu veux. Bon voilà, arrête de m'appeler et viens directement parce que ce sera plus rapide. De toute façon ta meuf doit savoir où j'habite, on est dans le même lycée donc elle peut se renseigner, tu vois. Attends okay. Parce que sinon j'arrive avec un lance-lame moi. Bah, on dira, ok. C'est une chasse d'eau, Ah, il a une chasse d'eau, ouais, c'est ça, t'as raison, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais, regarde. Ah, la gueule. Voilà, moi j'en ai rien à foutre, moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas peur, moi. D'accord? Non, mais c'est qui, sérieux, là? C'est quoi, les délires? Ouais. C'est qui les gens à côté, en fait, là? C'est rien, c'est des bouffons, là. Des bouffons, d'accord. Ouais, c'est des bouffons, ils sont là, ils sont bourrés, t'inquiète. Ok, super. Bon, on se voit quand, alors? Mec, c'est pas crédible. En plus, tu m'as l'air gentil, donc j'ai pas envie de m'énerver contre toi. Mais voilà, ah d'accord. Non, mais je sais pas. Mais tu vas voir quand tu vas te les prendre en pleine tronche, là. Non, mais je t'explique. Tu m'appelles pour m'embrouiller, tu rigoles avec moi. Je comprends pas du tout ton comportement, là. C'est assez étrange, quand même. Ah ouais, c'est étrange, ouais. C'est oui, étrange. C'est étrange, oui. Bon, bref. Anna. Oui. Bon, effectivement... Voilà. Ouais, parce que je me tape Anna aussi, en fait, accessoirement. Mais seulement le week-end. Voilà, seulement quand j'ai 5 minutes, quoi. Anna? Ouais. Putain, c'est vraiment toi là qui parle au téléphone. Là, ils vont s'expliquer. Oui. C'est quoi, c'est un délire de radio là? Je t'entends loin et tout, je t'entends. Ouais, parce que quand on parle sans radio, on entend loin. Non, mais je t'entends loin dans le téléphone là, c'est. Putain. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, mais attends, Anna, allô? Oui. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Putain, depuis quand t'acceptes de me parler? Pourquoi tu réponds pas à mes textos depuis un mois là? Je t'envoie des trucs. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? C'est lui qui a voulu parler. Moi, je veux pas te parler. Bah, non, mais sérieusement, attends. T'as couché avec ma pote. Tu veux que je te dise quoi? C'est bon, remets couvert. Tu veux faire un peu? Tu veux, on l'apprend, hein, au milieu. Putain, mais putain. Là, je comprends pas ce qui se passe, mais si j'ai l'occasion de te parler. Tu te rends compte de la chance que t'as? Bah ferme ta gueule toi, laisse moi parler avec moi, c'est pas souvent. Putain, allô. Tu te rends compte de la chance que t'as? Putain, il va me faire péter un câble. Tu veux bien reparler, ça veut dire? Tu te rends compte de la chance que t'as? Pas spécialement, j'ai rien à te dire, Non mais sérieux, réponds quand je t'appelle maintenant, rappelle-moi après. Mais pourquoi tu veux que je te réponde? On a rien à se dire, t'as baisé avec une pote, tu savais très bien qu'on était proches. T'as quand même baisé avec elle. Tu te rends compte de la chance que t'as? Je peux pas. Attends. Non mais il faut qu'on s'explique. Vas-y, non mais déjà lui il m'insulte, je sais même pas qui c'est, je sais même pas où c'est, je comprends rien à ce qui se passe. Tu te rends compte de la chance que t'as? Putain, vous m'appelez, je suis avec Lucas. Avec la police ou la gendarmerie nationale. D'accord, je vous comprends. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Connard, va. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais mettre la radio. Lucas, t'es sur Skype, là? Ouais, sur Skype, radios, ouais. S'il te plaît. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Bon. Guillaume. Oui. Bon, ben, je crois qu'elle a plus envie de toi, là, maintenant. Non, mais c'est qui, là? C'est quoi le délire? Elle raconte, explique, je sais pas. Bah rien, t'as baisé l'autre meuf et elle l'a mal vécu, quoi. Putain, mais mec, ça y est, c'est bon, explique-moi où je suis, là. T'es sur Fun Radio. Voilà. Et tu t'es affiché dans toute la France. Ah ouais, là, pour le coup, là, ça y est, c'est fait. Hein. Oui, bah super. Non, mais... Voilà, et d'ailleurs, j'ai un message de la principale de la principale intéressée, là. Oui. Ouais, ouais, bah oui. Bah, c'est un peu la merde, déjà, mais c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû, t'as vu. Oh là. Attends, mais vous avez appelé qui dans l'histoire, là? Non, tout le monde, t'inquiète pas, on a eu tout le monde, ça a duré toute la soirée. T'es le dernier, là. Attends, j'ai encore un message, là. J'aime trop la bite et tout. Ouais. Dans l'épisode précédent, d'amour, gloire et vulgarité. Oui, mon problème, c'est toi, meuf. Non, mais vous vous rendez pas compte, en fait, de ce que vous faites. T'es bourré, enfin, ça va. Je vais pleurer. Bah, c'est la merde, jamais, c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû, t'as vu. Bah oui, mais t'aurais pas dû. Bon, Guillaume et Anna, on va vous laisser en rentelle et puis vous allez arranger vos affaires. Hein, ah oui, écoute, là, qu'est-ce que je fasse? Je crois qu'ils vont effacer mutuellement leur numéro. Puis ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, mais parlez. Ton corps change. J'aurais bien aimé qu'on finisse sur une note positive, mais je voulais savoir s'il y avait moyen que tu rappelles Tara. J'aurais juste aimé lui faire mes excuses un peu à l'antenne. Ça, c'est beau. Bon, on garde Guillaume alors. Hein, Guillaume, non, tu restes. Là, tu fais partie de l'affaire maintenant. Tu fais partie de la famille. Ah si, tu fais partie du bordel. T'es un pote. Non, regarde, il y a Guillaume, il y a Anna, il y a Tara, il y a Lance-Flamme. Tout le monde est là. Non, par contre, Anna, rappelle-moi après, s'il te plaît. Justement, là, c'est la communication gratuite, profites-en. Bon, ouais. Guillaume, reste là. De toute façon, tu risques rien, t'es avec nous, là, bouge pas, Guillaume. Oui. Bon, ben, Anna, reste là aussi, du coup. Bon, alors, du coup, on est en retard pour la colle, c'est pas grave, hein. Bon, grâce. Oui. Bon, ben, profites-en, du coup, pour refaire péter la colle à coup, là. On fera le tirage au sort après, là, on n'a pas la bourre. Alors, vas-y, alors. Grâce. Il existe une similitude entre sanguin et pirate. Quelle est-elle? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël, espace la réponse, au 64 900 par SMS et pour la Belgique au 63 22. Tirage en sort dans un instant. Vous bougez pas de là, on va revenir dans un instant. On est au taquet là. Hein. Pour l'instant, tout se passe bien. On est. Peut-être un avis supplémentaire? Bah, c'est un peu la merde. J'avoue, c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû t'avouer. Bah, oui, évidemment, ouais, c'est ça. Bah, on l'a bien vu là pour le coup. Là. Allez, restez là. Il y a Martin Garrix aussi qui va arriver dans un instant. Puis je vais tâcher de pas me gourer de titre. Fois-ci, hein. Ça serait bien. Bah, moi, j'aime bien ce morceau. Bah ouais, ce serait pas mal. Et puis on va revenir avec une heure sans pub aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Mickaël No Limits. On est là jusqu'à 2h du mat sur Fun. Bienvenue tout le monde et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs là, qui viennent de débarquer là maintenant. Là. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No Limits. Fun. 01 42 48 5000. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun, là. Bienvenue tout le monde. Si vous venez d'arriver, là, il va se passer encore du lourd avec notre ami Guillaume, là, qui vient d'arriver, le fameux mec de l'histoire d'hier, avec Anna, avec Tara, avec Charlotte, avec tout le bazar, là. Oui. En tout cas, vous êtes nombreux à commenter sur le Facebook et le Twitter, là. Ça cartonne à mort. Du coup, vous voulez aussi, hein, venez. Vous tapez Mickaël officiel sur Twitter. Pareil sur Instagram. Vous me faites un follow. Je vous fais un follow back derrière, là, pour la pub et les disques. Donc, comme ça, bah, on se tient au courant. Comme ça, je vois ce que vous faites de votre vie. Vous voyez ce que je fais de la mienne. Et ainsi de suite tout au long de la journée. Et comme ça on se retrouve tous les soirs pour en parler à partir de 23h sur Fun Radio. La Twitter, vous tapez M-I-K-L officiel. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a un iPod Nano à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Il y a une photo avec un iPod Nano là. Il suffit simplement d'aller faire un like. Et bah si vous êtes tiré au sort à la fin de l'émission, là tout à l'heure avant 2h du matin, eh bien je vous sélectionne, je vous offre votre iPod Nano. C'est pas plus compliqué que ça. Donc comme ça vous en profitez, facebook.com/M-I-K-L officiel. Prévenez vos potes qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h du mat. On est les seuls à être en direct actuellement. C'est Martin Garrix qu'on écoute tout de suite. C'est Animals. Martin Garrix, si vous avez découvert dans Party Fun, c'était sur Fun Radio et c'était Animals. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Exactement, ouais. Il suffit simplement de démarrer le message par Mickaël, voilà, tout simplement. Et puis vous venez parler avec nous, tout simplement par SMS. Ça marche aussi sur Facebook, hein, facebook.com/Mickaël officiel. D'ailleurs, allez voir toujours hein, la radio d'un mec, d'un Australien qui s'est mis une fourchette dans l'urètre. Donc c'est dans la bite en fait, hein, tout simplement. Donc allez voir ça, c'est juste. Ah, c'est. Horrible. Enfin, En fait, automatiquement, dès que t'en parles, t'as toujours envie de serrer les cuisses parce que tu imagines de te mettre la fourchette comme ça dans l'urètre. Surtout pas essayer. Ah bah je te confirme, ni ça ni même avec des petits trucs. Mettez rien, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour la pipi. Exactement. Il y a DJ Kylian aussi sur le Twitter qui dit une bonne dose de Mickaël pour bien finir la soirée, c'est idéal. Thibaut qui dit il y a quand même beaucoup de boum boum et de tchic tchac. Oui, c'est vrai. Alors ici c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de tchic tchac. Exactement. Tristan aussi sur Facebook qui dit Mickaël Nolimi toujours super bien, plaisir, trop de plaisir à vous écouter. Bah merci en tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là également. Il y a Onis Forever qui dit c'est à mourir de rire là. Julien qui dit vous êtes énorme avec le pauvre mec qui a trompé sa meuf, énorme, continuez comme ça. Bah le pauvre il a quand même trompé sa meuf pour le coup, hein. Faut pas oublier que la victime, il y a la victime et le coupable. Ouais. Et alors Alex qui dit vous êtes d'enfer et mort de rire l'histoire de Tara. Il y a aussi Maël qui dit putain j'en peux plus là, vous me faites trop rire ce soir. Mickaël aussi, tu me fais trop rire. Écoute, je fais ce que je peux, mais tant mieux si ça fonctionne, cela dit au passage. Bon, avant de faire du coup le tirage au sort là pour la colle avec Grâce dans quelques instants, avant de faire également le jeu avec la rupture, bon on va terminer. Alors Anna, tu voulais appeler Tara pour lui faire les excuses, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, pour que je remette tout à zéro, Tara, c'est donc la fille qui a couché avec ton mec. Non. Ah non, c'est Charlotte. Roger, tu as rien suivi. C'est bon, pas Roger résumé là. Non. Ah, il est toujours débarrassé là. J'ai mis un coup de lance-flamme à Roger là. C'est bon. Bon, et pourquoi tu voulais faire des excuses alors du coup toi, parce que tu l'avais envoyé chier hier? Bah ouais quand même, j'ai reproché d'être jalouse, j'ai reproché de m'avoir en fait elle l'a protégée. Ouais c'est parce vrai qu'elle ouais. lui a dit que Charlotte avait couché avec son mec. Elle avait complètement raison. Attends, j'ai failli faire une... En fait, elle voulait t'ouvrir les yeux. Ouais, j'ai failli faire une vanne de merde, je me suis abstenu directement. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au cas où. Bon, allez hop, c'est pas grave, on y va. Moi, je voulais faire Tara, rien compris. Tara. Bon, on l'appelle. J'avais dit que c'était une vanne de merde, hein. J'ai prévu tout le monde. C'est pas grave, hein. Bon, on y va. Il y a toujours Guillaume dans le standard au cas où, hein. Bon, allez, on appelle Tara maintenant, là. Minuit 15, son téléphone qui sonne, elle va dire, qu'est-ce que c'est ce bordel? Allô? Allô, Tara? Oui. Oui, c'est Anna. Oui. Ça dérange pas? Oui. Bonjour. Ça dérange pas? Ce oui, on sait pas très bien ce qu'il veut dire. Non. Oui, tu me déranges, bah, écoute, oui, ça va. Enfin, voilà, écoute, je voulais te dire que... Enfin, voilà, je te l'ai dit hier, mais je voulais te présenter mes excuses, te dire que je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai dit. Le fait que je t'ai considérée comme une fille jalouse et que ceci est faux alors que c'est pas vrai du tout, t'es une fille en or et voilà, et je suis vraiment désolée. C'est beau. Je suis vraiment désolée et voilà, et franchement, je voulais vraiment te dire merci parce que voilà, tu m'as vraiment montré qui était Charlotte. C'est grâce à toi que j'ai su vraiment comment était Guillaume et vraiment merci parce que voilà, t'as toujours été là pour moi et voilà, et sache que je t'aime très fort et que je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Oh, c'est trop mignon. Hey, je veux pas dire aimée. Mais il y a arrête de pleurer là comme ça partout là, c'est dingue là quand même là, ça chiale de partout dans le studio là. Bon, oh c'est mignon. Bon bah du coup Anna là avec mais attends, Tara on l'entend, mais elle est où? On l'entend même pas. Tara, t'es là? Oui. Est-ce que tu acceptes les excuses? Ben... Oh, tu vas pas me faire non, parce que sinon on va y passer la nuit encore, elle là, comme hier. Elle va crâner, ça y est, à dire oui, dis oui, c'est le happy end. Mais non, on va la faire galérer un petit peu, c'est normal. Alors? Non, mais enfin, j'accepte tes excuses, mais bon, après... C'est toujours comme ça, les meufs. Elles même, acceptent tout, mais il y a... Début, ouais, il y a toujours un mais, là. Mets-leur un coup de lance-flamme, là, qu'on en parle plus. Mais je voulais juste dire à Anna... Que ben quand que même. Que je te mets lance-flamme dans la tronche. Attends, parce que ça sera à nous lâcher encore un autre attends, truc. Je m'attends à autre chose. Ah là, je m'attends à un drame là. Roulement alors attention. De tambour. Alors tu veux le roulement de tambour? Ah ouais, hein, ouais, là il bon, faut. Allez. J'adhère. Quoi, t'as pas de tambour toi? J'ai peur là. J'ai très peur. Suspense. Merde. Bon, alors du coup, Tara, tu voulais dire quoi en plus? Non, mais après, c'était rien du tout. C'était juste pour lui dire que voilà, franchement, j'accepte tes excuses, mais je vais te le dire. C'est stressant, ce truc derrière. Mais c'est pas stressant. Oui, c'est vrai. Pipo, je suis du pipo. Ouais, t'acceptes toutes ces excuses, mais... Mais bon, voilà, après... Roulement de tambour. Attends une seconde. Ah, le roulement de tambour, une seconde. Il y a le roulement de tambour. Donc elle accepte ses excuses, mais... On t'écoute. J'accepte Anna. Mais. Faut que t'enchaînes, t'as. Enchaîne. Mais voilà, je. Enfin... Allez, remonte. Non, sérieusement. Franchement, tu m'as énormément blessé. Vas-y, Tara, putain. Vas-y, faut accélérer, là, Tara, là. Tu m'as énormément blessé, Anna, et franchement, t'étais pas comme ça avant, et t'as énormément changé, et après, moi, ça me dérange, mais bon, t'es comme, enfin, tu es comme tu es, mais après, enfin, moi, je resterai ta meilleure amie quand même, parce que... Attends, je vais jouer du pipeau. Oh, c'est mignon. Oh, c'était beau. Oh, c'est beau. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Guillaume là dans cette affaire là? Mais allez, excusez-vous tous. Non, mais elle se remet pas avec. Hein. Non, mais. Je te promets, ma chérie, je me remets pas avec. Bon, alors, les filles, ça arrive. Pardonnez-lui, aimez-vous les uns les autres. C'est ça, c'est jamais qu'un homme. Allez, fais un bisou. Anna. Sur la joue, mais faites un bisou à Guillaume. Fais un bisou ou le lance-flamme, attention. Non, moi je veux faire un gros câlin à Taraze. Non, mais faites un bisou. Non. Anna, fais un bisou à Guillaume, sinon lance-flamme. Mais c'est sur la joue, voilà. Oui, non, mais voilà. Fais-le. Un bisou amical. Non, regarde. Si, fille. Allez, vas-y, bisous, je veux l'entendre. Bah, je te fais un bisou. Eh ben voilà. Et tu vas lui répondre quand il t'envoie des SMS. Même si c'est terminé entre vous, mais par politesse. Ça arrive. Même pour lui dire éventuellement, va te faire enculer. Enfin bon, voilà. Au moins lui répondre, quoi, d'accord. Ça arrive, voilà, il a fauté, ça arrive. D'accord. Bon, de toute façon, les mecs, ça fait un peu toujours. Hein. C'est faux. Je l'ai jamais fauté, moi, personnellement. Mais t'as eu tort, t'as raté des trucs. Ouais, bah. Michael. Qu'est-ce qu'il est con. Oui, qui me parle, Anna? Oui, non, mais c'était pour savoir, mais t'as une copine ou t'es célibataire? Non, j'ai une copine, Anna. Ouais, je sais, je viens de la voir. Elle a 5 doigts. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Mais comme l'a dit ton ex-copain, Anna, je suis vieux. Hein? T'as 22 ans, Ouais, c'est vrai. 22 ans et Polo, il a 22 ans et demi, c'est vrai. Non, bah écoute, c'est gentil, Anna, hein, mais non, je préférais plutôt Charlotte, vu qu'elle a des gros seins, apparemment. Pourquoi pas, écoute, je sais pas. Bon, bah je vous fais des bisous, les filles, d'accord? Gros bisous. Est-ce que vous voulez que Polo refasse un peu de pipo avant de partir? Non. Moi, dommage. J'y vais. Bon, bah alors, attends, bah non, elles veulent pas, on fera après. Bon, bah salut les filles, gros bisous, hein. Gros bisous. Allez, ciao. Oh, bon, pipo. Attends, c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Bah, faut dire au revoir à Guillaume aussi, hein. Guillaume, bon, bah écoute, on a essayé de gérer là pour que tu puisses au moins rester ami, quoi. Ça n'est rien à foutre. Passez-moi, Anna, la antenne, s'il vous plaît. Bon, on va la passer en antenne là. Bon, Guillaume, Il y a rien de grave. Guillaume, je vais quand même te donner un conseil. Personne sait qui t'es. Surtout ne sois pas hautain, parce que c'est quand même toi qui as fauté, donc il faut quand même rentrer par la petite porte, tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends, je me fais afficher comme ça. Mais t'es pas affiché là. Bah, en même temps, t'as fauté, c'est vrai, il faut le dire. Sûr, Guillaume, c'est des copines qui appellent pour parler de moi. T'es un ami, Guillaume, on va t'envoyer un pack. Voilà, bon, Guillaume, de toute façon, on va te repasser en antenne, d'accord? Enfin, si elle veut, évidemment. Ouais. Bon, allez. Guillaume, je sais ce que tu ressens en ce moment. Crois-moi, ça lui est arrivé plein de fois. Crois-moi, je suis le mec ici autour de cette table qui le comprend le mieux. Ne t'inquiète pas, ça t'arrivera encore. Voilà. Mais moi, je suis pas le mec qui fait cocu, hein. Moi, je suis pas comme toi, mec. C'était comme ça, c'était rien. Tu l'as fait cocu quand même, malgré tout. Ce que je dis à chaque fois aussi, c'est comme ça, c'était rien. Ouais, c'était quand même un one shot de trop, mais bon, écoute, t'apprendras tes erreurs, Guillaume. Bon, je te renvoie chez Sandro. Standard, comme ça tu vas pouvoir reparler à Anna si elle le souhaite, évidemment. Et puis on en a terminé avec cette affaire. Ouais. Attendez, parce que là il va y avoir une discussion en antenne et peut-être qu'il y aura une suite dans un instant. Bon, en attendant, ce que je propose, c'est qu'on se mette un petit peu de son là avec Afrojack et Chris Brown avec As Your Friend, et puis plein de messages qui sont arrivés, on en parle dans un instant. Venez également nous faire un petit follow là sur Twitter et je vous follow back derrière, vous mettez Mikael officiel sur Twitter, on vous attend et on écoute Afrojack et Chris Brown maintenant sur Fun Radio. La bonne soirée. I just can't live anymore like this. Allez, bonne soirée avec Fun Radio. Bonne nuit plutôt, la minuit 26, la Mickaël No Limit. On est là, moi c'est Mickaël. Il y a Polo, évidemment, le joueur de pipeau. Oui, exactement, tout à fait. Il y a Toff qui est là également, qui le pervers. Des pipeaux. Aussi, effectivement, et Sandro au standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique si vous voulez venir nous rejoindre. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On va faire voilà, on est à la bourre hein, du coup là. J'avais dit à minuit pour la colle là. On va la faire là maintenant tout de suite. On aura aussi la rupture, le jeu de la rupture dans un instant là. Si vous voulez participer, n'hésitez pas aussi 01 42 48 5000 et pour la Belgique donc 02 851 4x0, vous composez ce numéro et vous arrivez directement au standard chez Sandro. On va se faire la colle maintenant avec Grâce. Oui. Ah oui. Alors Grâce de Sergi, donc tu avais posé une colle, donc il existe une similitude entre sanguin et pirate, quelle est-elle? C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. On va donc appeler quelqu'un qui, a priori, a donné une réponse, la bonne ou pas, on verra bien. Et si jamais la réponse est bonne, en l'occurrence, tu perds et cette personne gagne. Si jamais c'est l'inverse, c'est toi qui gagne, Grâce, d'accord? D'accord. Et qui plus est, si en plus il ou elle ne décroche pas, c'est encore plus facilement gagné pour toi. On y va, on l'appelle. Allez hop, je te souhaite bonne chance quand même, on sait jamais, hein. Ouais, merci. Bah écoute, avec plaisir. Allez, allez. Allô? Ouais, allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Florent. Salut Florent, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, je t'appelais pour la colle. Oui. Bon, alors, la colle, vas-y Grâce, pose-lui la colle pour voir. Il existe une similitude entre sanguin et pirate, quelle est-elle? Ça doit être le vaisseau, je crois. Le vaisseau sanguin et le vaisseau pirate. Eh ben voilà. Bravo. Eh ben c'est gagné, bravo à toi. Comment tu t'appelles encore? Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Florent. Bah très bien Florent là. Bon bah tu veux quoi? Il y a le casque DJ là si tu veux là qui sont en stock. T'as un peu DJ ou pas toi? Un petit peu ouais, j'ai des platines ouais. Ah bah parfait, casque DJ alors. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est cool. Eh bah voilà, nickel, tu vas gérer ça avec Sandro au standard Florent, pas de problème, ouais. Tu restes là. Et puis bah Grâce, on va quand même te filer une compil fun, d'accord? D'accord. Bon allez, je te fais des gros bisous quand même Grâce. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Allez, salut, ciao. Grâce. Et puis plein de messages sont arrivés également avant de prendre Malo dans un instant. Il y a Martin sur le Facebook. Il dit Mickaël, the King of the Ring. Vous êtes trop énorme comme votre émission. Putain, vous déchirez. Merci Martin. Coca aussi sur le Twitter qui dit ma mère vous dit merci car comme ça je l'emmerde plus car je vous écoute. Ah ben voilà, notion peut rendre service avec plaisir. Damien également qui dit vous êtes trop cool, je vous kiffe, vous me faites délirer avec le truc de la fourchette là. Ah ouais, mais là par contre c'est violent quand même. Allez voir sur c'est le horrible. Facebook. Hein. Allez voir sur le Facebook, on a mis une radio d'un mec qui c'est en Australie que ça se passe. Le mec en fait s'est mis une fourchette dans l'urètre, c'est-à-dire dans la bite en fait. Hein. Et du coup, vous voyez la photo, enfin la photo, la radio, où vous voyez vraiment la fourchette dedans. C'était horrible. Non, Malika aussi sur le Twitter qui dit demain rebelote, je me lève à 6h, mais à part ça, je préfère écouter Mickaël plutôt que dormir. Ouais, tu fais bien, Malika. Nous Céline aussi qui est la trop. Non, nous demain on dort. Hein. Ah oui, c'est oui. Bah je te le dis direct. Céline aussi qui dit trop fort Mickaël, t'es le meilleur. Bah c'est gentil. Eh, que de compliments, je vais finir par m'habituer là hein. Attention, je vais me la ramener après. Kevin aussi qui dit dans le prochain épisode des Feux de la Haine, Tara et Anna se retrouvent. Mais vont-elles rester ensemble? Allez savoir. Ah peut-être qu'elles vont devenir win. Oh. On va savoir. Alex aussi qui dit super fun, continue comme ça, vous me faites rire. Cédric aussi sur le Facebook, un petit coucou à toute l'équipe juste pour vous dire que vous me faites passer de bons moments. Et puis Abdel, je vous aime, c'est un bon moment d'être avec vous vous aurez pas le numéro, vous auriez pas le numéro à Charlotte. Ah si, on a le numéro de Charlotte, ouais, ça se vend tout ça là, je vous enverrai mon compte PayPal d'abord. Timothée qui dit vous gérez, juste sur Twitter j'accepte, mais voilà quand même, roulement de tambour, oui c'est vrai avec le roulement de tambour de tout à l'heure là. Et puis Clara qui dit cette histoire finie en happy end, c'est beau Mickaël. Mais oui, c'était magnifique. C'est magnifique, effectivement. Bon, allez, plein de messages qui arrivent, on va continuer à les lire. Je vous rappelle aussi le principe, là si vous me faites un petit follow sur Twitter, je vous follow back derrière, donc venez, hein, d'ailleurs on salue tous ceux qui sont nouveaux là ce soir, hein, il y en a eu beaucoup. Ce soir il y avait Kevin. Il y a Spirou également. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a JB, il y a Jérémy qui est là, il y a Clément, les nouveaux que j'ai pas encore follow back. Allez, je vais les faire vite fait en direct là. Hop, Mélissa, c'est fait. Clément, c'est fait. Jérémy, c'est fait. Marine, tac, c'est fait. Il y a le prince Nadia également qui est fait. Grégoire aussi. Jules, voilà, tout ça sont follow backés. Donc, si vous voulez faire pareil, hein, un petit follow sur Twitter, vous tapez Mickaël officiel et on sera ensemble à vie. C'est beau. Ad vitam aeternam, pour le meilleur et pour le pire. Bon, Malo qui est avec nous de Charleroi là, comment ça va Malo? Bah ça va les gars. Eh bah tranquille. Salut, hein. Malo. T'as écouté un peu l'histoire là avec ces feux de l'amour? Non, pas tellement non. Oh là là, quelle violence, t'as raté un truc. En fait je descendais la poubelle. Ah oui, je comprends. Non, il y a des trucs ça, il y a des trucs importants quoi. Je pensais que tu parlais avec ton chat, que t'avais une grosse discussion philosophique. Bah oui. Parce que justement Malo, donc toi on t'a vu hier et donc toi tu nous appelles de Charleroi et tu parles au chat. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Alors c'est-à-dire? Bah, j'arrive à communiquer avec eux, quoi. Non. Non, mais communiquer dans le sens où tu arrives, parce que, bon, tu vois, si moi, il y a un chat, il arrive, il commence à me tourner autour de la jambe, c'est parce que normalement, il a faim. Donc, moi, je communique pas, mais toi, genre, il parle le chat, ça? Ouais, c'est ça. Donc en fonction des différents miaou, tu vois s'il est énervé ou Ouais, voilà, des petits trucs ainsi quoi. Maintenant, je peux pas tenir une discussion, c'est impossible. Ah ben bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est mais un chat, quoi. Oui, ça reste un chat évidemment. Mais tu as un chat toi-même? Oui, j'ai un chat. D'accord. Et Scooby. Ah, Scooby. Oh, c'est bien Scooby. Ouais. Mais il parle de quoi le chat? Bah, je comprends juste quand il me dit qu'il a faim, qu'il veut sortir, tout des trucs. Ah, mais ça, mais ça, moi aussi, hein, pour le coup, hein. Attends, on va faire un jeu, On va voir si tu vas arriver à découvrir ce qu'il veut, là. Attends une seconde, j'ai un chat, là. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, celui-là, il a dit que je vais me faire gagner un écran plat. Ah, il est pas mal. Attends, et ça? Ah, merde. Ça, c'est pas sympa, les gars. Pourquoi? Il m'a dit d'aller me faire foutre. Ah bon? Ah non. Là, c'est une erreur, parce que aller te faire foutre, c'est ça. Pas sympa, hein. Voilà. Ça, c'est elle va te faire foutre, ouais. Alors que moi, regarde, quand j'arrive. Bonjour, Matou. Hein? Hein, je lui caresse sous le menton, là. Un moteur. Comment ça, un moteur, il ronronne? Ah oui? Il ronronne. Voilà. Alors, du coup, il est vénère, là. Il est un peu vénère. Donc là, il disait quoi, là? Va te faire foutre, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. En fait, t'es un escroc, parce que t'es en train de me dire, là, depuis hier, on te parle, et tu me dis maintenant, ah bah non, mais moi, en fait, j'arrive à deviner quand mon chat, il a faim, quand mon chat, il a soif, quand il veut sortir. Bah oui, un peu comme tout le monde. Non, j'arrive aussi à lui dire, casse-toi, ou tous les trucs ainsi, quand on va te coucher. Oh bah alors, Minou, il est derrière, non? Moi, je peux lui dire. Vas-y. Il est derrière le chat, parle-lui pour voir qu'on ait une discussion, là, avec le chat. Attends, qui fait ça, toi ou le chat? C'est lui, là. C'est moi, c'est toi, Malo, là? Ouais, c'est moi. Attends, on va avoir une discussion, là. Vas-y, recommence, tu peux y avoir. Mais il te calcule pas, il répond pas. Et tu lui as dit quoi, là? Et je pense qu'il faut le faire souffler dans le micro là. Oui, il va pas tarder à attendre. Ouais, bon, tu m'as saoulé là. Juste. Merde, c'est un petit chat qui grogne. Là, vous êtes conscient qu'on est en train d'essayer de parler à des chats ou pas? Oui, attends. Non, ok, c'est ça. Attends, essaye. Ouais, mais on peut avoir la traduction. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit là? Non, toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Il est fâché. Ah, il est fâché. Toi, tu lui as dit quoi? Conneries et tout. Ah ouais. Donc, il a dit arrête tes conneries. T'as vu, je fais une erreur, quoi, non? Non, il m'a dit que moi j'ai fait une grosse erreur. Tout. Attends, tu peux mettre la radio plus fort. Ouais. Je sais, ça va faire de l'écho, mais c'est pas grave, c'est pour parler au chat. Hein. Vas-y, mets la radio là, pour le coup, tu peux y aller. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Le chat. Le chat. Voilà, j'y vais. Oula, là. Comment ça, là? On est en retard avec la radio, là. Ouais, il y a un peu de retard, oui, je sais bien, ouais. Ah, je fais la dédicace. Attends. Hein. On est dans un autre monde là. Ah non, mais c'est pas lui. Ah bah il parle au chat, on est bien là, il parle au chat, mais qu'est-ce que je te dise moi? Je pense que il parle au chat. Non mais c'est vrai. Bon ben Malo. Ouais, j'arrive à communiquer quoi. Bah ouais, et ça c'est fort. On en doute pas. Dites-nous si communication on est. Eh, dites-nous si vous aussi vous communiquez avec des animaux, les oiseaux, les chiens, etc. C'est pas possible. Ah, on a un sale don. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends, c'est unique quoi. C'est unique. Il y a pas tout le monde qui a le don. Non, on est bien d'accord. Mais en même temps, il te raconte pas grand chose. Ouais. Dis donc. Communication, les gars. Attendez. Attends. Ouais, vas-y. L'écho. Attends. Là, il est pas content là. Non. Mais soufflez un peu dans le téléphone là pour voir. Ça pue. Moi, je peux faire une dédicace. Je peux faire une dédicace. Ouais, attends une seconde, je te passe les bonnes personnes là. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. C'est l'hôpital qu'il faut appeler, hein. Voilà, vas-y. J'ai pas hâte, la dédicace. Mélissa, si tu m'entends, machallah, je t'aime. Ouais, moi, je parle au chat. Ouais, ouais, non, moi aussi je parle chat, mais ça, tu peux venir voir demain la petite et te voir en même temps. Très bien. Ouais, ça ferait plaisir, allez. Voilà, jour. On va voir ce qu'elle va répondre. Ah bah voilà, mais écoute, moi ça m'a l'air d'être très bien, mais comme ça tout le monde est content. Ah quoi, pour l'écran plat, alors on fait comment? Eh bah écoute, alors essaye de, attends, regarde là, ah bah je crois que chez Carrefour ils ont des trucs actuellement, ils ont des petites promos. Ah bah y'a moi de venir chercher chez vous direct. Bah tu peux venir chez nous, on n'a pas d'écran plat, enfin ils sont accrochés quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah tu viens avec la camionnette? Ouais bah tu, ah bah avec le chat en plus. Écoute, je vais te passer son gros, tu vas gérer avec elle. Ça va. D'accord. Bon, bah salut hein. Allez, une petite dédicace à tous les chats. Eh ben très bien, on embrasse tous les chats là qui nous écoutent partout en Belgique, en France, un peu partout sur la planète, puisqu'on est écouté aussi via internet tout simplement. Et voilà. Heureusement maintenant grâce à Malo, ils auront la traduction. Ah bah là on est parfait là, grâce à Malo là, je peux vous dire qu'on est plutôt bien là. Bon, et juste avant de mettre le son de Sébastien Ingrosso avec Reload là, est-ce que vous avez vu cette info là? Il paraît que les gens qui font l'amour plus de 4 fois par semaine gagnent plus d'argent que les autres. Ah ouais? Ah ouais? Oh, ah ouais? On comprend pourquoi on est pauvre. Bah écoute, je vais faire l'amour immédiatement. Donc c'est une étude scientifique quand même, donc j'invente rien. Alors ça viendrait du fait que les gens qui gagnent plus sont plus heureux et donc plus attirants, alors que ceux qui gagnent au moins évidemment ont plus tendance à déprimer. Donc après le travailler plus, hein, pour gagner plus de Sarkozy, bah on aura évidemment baiser plus pour gagner plus. Bon, moi je suis prêt, hein, je peux commencer tout de suite. J'imagine. Bah on va appeler des gens là si tu veux, on va appeler des gens dans un instant. Mais oui, allons-y, appelons des gens. Eh ben on appelle des gens dans un instant là. Restez bien sur Fun Radio. Facebook.com/MickaëlOfficiel, on va revenir dans un instant en direct avec vous toutes et vous tous, et puis surtout avec l'iPod Nano qui est à gagner également là. Venez faire simplement un like, c'est pas plus compliqué que ça. Facebook.com/MickaëlOfficiel, il y a une photo avec l'iPod Nano, vous faites un like dessus, et si vous êtes tiré au sort dans à peu près une heure là, avant la fin de l'émission à 2h du mat, eh bien vous repartirez avec votre iPod Nano. Je vous souhaite bonne chance. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Mickaël sur Fun Radio. Et c'est Sébastien Ingrosso, la Reload au cœur d'une heure sans pub. When night has become the day. Allez, bonne nuit avec Fun Radio, Mickaël, No Limit, c'est parti, on est là jusqu'à 2h du mat en direct sur Fun Radio au cœur du Nord sans pub. Donc là on est quand même plutôt bien installé là à ce niveau-là. Hein. On est bien. Bon, plein de messages aussi qui sont arrivés là. Putain, le mytho, le mec qui parle à ses chats quand même, ça m'en rend au moins bien fait rire là. Tout ça pour avoir un écran plat. Vous êtes super. C'est Stoyan qui avait envoyé le message. Laetitia avec son histoire de il n'arrive pas à me pénétrer là, vous l'avez oublié. Non, on l'aura tout à l'heure, t'inquiète. Wendy aussi sur le Twitter, votre chat ronronne comme une voiture de course. Mon bon roi, là, puis-je le caresser? Oui, si tu veux, tu peux le caresser, regarde, caresse-le, là. Ah, là, bah là, il est content. Hein. Voilà, là, il est plus content. Il y a Hélène aussi qui dit, putain, je vous aime tellement que je suis folle de vous, je me pisse dessus tellement, je rigole, c'est horrible. Et puis le mec qui parle au chat, là, il est ouf, ouais, c'est clair. Gaël aussi qui dit, il est énorme, Malo, c'est un mytho. Eh, écoute, à mon avis, oui, hein, parce que si il y avait des gens qui parlaient au chat, ça se saurait. Hein. Assia qui dit, Mickaël, c'est que pendant les vacances sur Fun. Non, on sera là toute l'année. Bon, on fait une grosse connerie, mais enfin, je veux dire, sinon, dans l'absolu, on est là toute l'année. 23h, 2h du lundi au jeudi et 20h, 23h le dimanche. Comme ça, vous faites passer le message à tous vos potes. Surtout quand vous allez reprendre les cours là et tout. N'hésitez pas à en parler évidemment autour de vous. Alexandre aussi qui dit salut toute l'équipe. Je kiffe tous vos sons, vous déchirez. Merci à toi, Alex. Il y a tellement de messages ce soir là. C'est un peu comme hier quoi. Il y a tellement, je peux pas tous les lire. Alexandre aussi qui dit salut toute l'équipe. Vous déchirez. Liane, aussi qui dit le chat est juste énorme. Le mec est complètement parano. Et Aurélia qui dit c'est trop bon de rigoler autant le soir avec vous. Ben, merci à vous en tout cas. Continuez à venir nous rejoindre sur le Facebook.com/MickaëlOfficiel. Et donc on parlait juste avant le son de Sébastien Ingrosso de cette grande information qui dit que apparemment coucher plus pour gagner plus. Mais moi je suis entièrement d'accord, couchons plus. Mais je n'en doute pas. Non, tous ensemble pas, mais donc, apparemment donc le fait de coucher, c'est une étude américaine, hein, on l'a pas inventé. Ça rigole pas si c'est les Américains, c'est sérieux. Si c'est les Américains, effectivement, c'est sérieux. Donc une étude américaine qui dit que effectivement si on a plus de 4 relations sexuelles par semaine, on est censé gagner plus d'argent. Parce qu'on est mieux dans sa tête, on est plus productif, etc. On est parfait quoi. Bon, ouais. Paraît-il, effectivement. Bon, écoute, on va appeler maintenant, premier numéro là, pour Allez. Voir un peu comment ça se passe. Si les gens sont plutôt ouverts, surtout à minuit 44, je crois qu'ils vont être très ouverts pour cette proposition de coucher avec toi. Mais je suis prêt, je suis sûr que je repars avec un rancard. Ouais, bah t'emballe pas non plus. Hein. Allez, attends, c'est parti. On va gagner de l'argent. Ouais, bah je sais pas, écoute, on verra bien. Allez, c'est parti. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que j'ai une méthode infaillible pour gagner de l'argent. Ah, mais proposez toujours. Ben voilà, en fait il faut juste qu'on fasse l'amour 4 fois par semaine ensemble. Comment? Je dis il faut juste qu'on fasse l'amour 4 fois par semaine ensemble. Ouais, allez vous faire foutre. Mais pas du tout, monsieur, c'est une étude américaine très sérieuse. Ouais, allez vous faire foutre. Mais non, monsieur. Allô. Ouais, ouais, bah, allez vous faire foutre. Mais non, attendez, laisse-moi vous expliquer. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, c'est quand même... C'est quand même l'Amérique, quoi. Ben oui, attends. Hein, l'hymne américaine. C'est pas n'importe Dieu quoi. C'est... Là, là, là. Bon, et on rappelle. Oui, il s'est pris pour un Américain. L'autre, il a pas... Il s'est pris pour un Américain. Je suis un Américain. Arrête un peu, là. Ah oui, c'est vrai. Arrête. Faut faire du pipo, là. Non. Bon, on y va, on rappelle. Ouais, ouais, vas-y. Ils avaient l'air plutôt OP, mais je crois qu'ils étaient plutôt timides, à mon avis. C'est ça, le problème. Ouais, ouais. Bon, on rappelle. Je sais même pas dans quelle ville on aime. Pas grave. Allô. Oui, excusez-moi, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Oui. Voilà, c'est une étude américaine très sérieuse qui dit que les gens qui font l'amour 4 fois par semaine, ils ont plus, enfin, ils sont plus riches que les autres. Et donc, du coup, moi, je vous proposais qu'on fasse l'amour ensemble 4 fois par semaine. Ouais, voyez ça avec une prostituée. Mais non, moi, je veux voir ça avec vous, monsieur. On peut pas perdre l'argent. C'est dommage, mais moi, je veux rien voir avec vous. Au revoir. Oh, oh, désagréable en plus comme ça. Hein. Mais bon, oui. On en appelle un autre vite fait là. Ouais, allez, vite fait. Allez, hop, vite fait. Vite fait. Je suis déçu là. Bah ouais, on en fera d'autres tout à l'heure hein, si jamais on n'arrive pas à faire gagner de l'argent. En plus, on les appelle pour une bonne nouvelle. Bah oui. Au final, c'est pour faire gagner de l'oseille. Ces gens ont trop d'argent. Bon, là, par contre, faut se lever maintenant. Oh. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une méthode infaillible pour gagner de l'argent. Ah bon? Oui, en fait, c'est des chercheurs américains, ils ont prouvé ça. Il paraît que les gens qui font l'amour au moins 4 fois par semaine, ils ont plus de chances d'être riches que les autres. Ah bon? Oui, donc du coup, je vous appelais pour voir si on pouvait faire l'amour ensemble 4 fois par semaine. Eh ben oui, mais vous allez chercher votre maman pour faire l'amour. Votre maman ne sait pas faire l'amour? Bah si, mais je vais pas coucher avec ma mère quand même. Hein? Eh ben il faut aller faire l'amour avec votre maman. Mais non, c'est... Va te faire foutre, enculé. Oh, elle était bonne, elle. Oh là là. Pourtant, hey, t'as vu, elle était en forme. Parce que minuit 46, elle a quand même décroché, tu vois, elle a mis du temps, mais elle était quand même plutôt en forme. Oui, mais si elle allait aller dormir, là. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Tu l'as énervée. Elle était... Ça explique la violence. Ah ouais, non, elle était bien, là. Hein. Oh là. Ah, non, elle était... Oh, taquet du taquet, j'ai envie de dire. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va jouer ensemble là pour faire la rupture. Là, si vous voulez jouer avec nous, il y a des iPod Nano ou des casques de DJ à gagner pour faire la rupture. C'est simple, hein, le concept est très très simple. On appelle des gens, comme on vient de faire à l'instant là, des gens au hasard, et le but c'est d'avoir une conversation de rupture. Et donc si vous en avez une et qu'elle dure le plus longtemps possible, vous faites un battle entre deux auditeurs en l'occurrence. Hein, et donc si c'est le plus long, bah vous gagnez le cadeau. Un peu plus compliqué que ça. Hein. Vous avez droit à deux après chacun, donc voilà, tranquille à ce niveau-là. Retour avec Vincent là au niveau du régime là. Vincent, on en parlait en début d'émission, là. Toujours là Vincent. Ouais, toujours là. Bon, parfait. De Palavas les Flots, toi, dans le 34. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Ça va le temps là-bas là? Ouais, ça va, il fait beau, il fait chaud. Ah, j'ai vu qu'il faisait dégueulasse là avant-hier, là, il me semble, non? Avant-hier, mais ça passe, ça dure pas. Ah bon, d'accord, ok, bon, ça va alors. Parce que moi, quand j'étais à Montpellier là au mois de mai, comment t'expliquer qu'il faisait dégueulasse, hein? Mais dégueulasse. Bah oui, il faut qu'il fasse beau. Bah je te confirme. Ouais, faut venir 3 semaines. Bah j'y penserai la prochaine fois. Bon, Vincent, alors toi, tu voulais donner des conseils pour maigrir, parce qu'il y a un auditeur au début de l'émission là qui nous avait appelé pour nous dire que ben en gros, il avait perdu du poids en mangeant moins McDo, c'est-à-dire qu'il mangeait plus que 2 fois par semaine. Alors ça va, j'ai envie de dire. Et il marchait beaucoup. Donc toi, c'est quoi le conseil toi? Ben moi, je suis passé de 102 à 77 kilos. De 102 à 77. Ouais. C'est bien. Ça va, c'est pas mal, hein. Ouais, ça va, j'ai encore à perdre. Ah bah, ouais, non, j'ai arrêté tout ce qui est coca, McDo, tout la malbouffe, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je me suis mis au sport, muscu, tout ça, vélo, quoi. Ah bah voilà, mais non, mais y a pas de secret, hein, tu sais, tous les gens qui continuent à tu sais, genre, soit ils font un petit peu de sport, ou alors ils font attention de temps en temps, mais à côté de ça, donc genre par exemple, ceux ils bouffent pas de la journée, mais à côté de ça le soir ils se font plaisir, genre, j'ai pas mangé la journée, je peux me bouffer un quick ou un McDo. Ouais, c'est ça. C'est... Alors je suis tranquille, bah non. C'est pire, ça. Ah bah c'est pire, ouais. Fais quand même attention, quoi. Le midi, je mange culant et viande, tout ça. Le soir, je mange des légumes, quoi. Ouais, mais t'as raison. Après, oui, c'est sûr. Une fois par semaine, si je fais un extra, après, bon, bah, je rattrape. Non, mais après, il faut pas ne plus rien manger non plus, oui, hein. Non, mais il faut pas se priver, surtout. Voilà, il faut se faire plaisir. En privant, après, c'est pire. Exactement, ouais. Moi, exactement. C'est ce que je fais, hein. Je me prive jamais. Ouais, ah, ouais, ça, ouais, c'est sûr, hein. Ça, c'est. Jamais. Ouais, non, mais ça, c'est clair, ouais. Attends, il y a Andrea aussi, qui est avec nous, là, de Nice, là. Salut, Andrea. Oui, bonsoir. Comment va? Bonsoir. Bonsoir. Comment va le 06? Oui, bah j'ai la radio ouverte là. Donc ah bah il faut pas. Bah voilà, t'es exactement ce qu'il fallait pas faire, si à mettre la radio, Andrea. Parce que sinon t'as de l'écho et après t'es complètement perturbé. Bah voilà, c'était simple. Bah ouais, tu l'as coupé? Oui, c'est bon. Parfait. Bon, Andrea, toi tu voulais aussi parler régime, toi. Comment ça se passe au niveau du régime? T'as déjà fait des régimes? T'as des conseils à donner sur le régime? Bah perso, bah en fait je fais 1m64 pour 60 kilos, donc j'ai 10 kilos en trop quoi. 1m64 pour combien? 67 kilos. Wow, t'as pas 10 kilos, ouais, mais t'abuses, franchement. Ouais, mais non, mais c'était, c'est pas 10 kilos, mais après, ouais, faut la peut-être perdre un petit peu, hein. Ouais, bah, faut perdre un petit peu, mais c'est quoi, c'est dû à quoi? C'est parce que tu bouffes mal, c'est quoi? Je sais pas. Parce qu'il y a des filles, il y a des gens comme ça, c'est même pas des filles, il y a des garçons et des filles qui, elles, juste à imaginer un morceau de chocolat, elles ont pris 2 kilos. C'est ça. Et puis il y en a, si je puis me permettre, des connasses qui bouffent comme des vaches. C'est ça. Et rien. Ouais, mais je cherche à prendre du poids, mais ça ne va pas. Je n'arrive pas. Ça ne monte pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je mange. Jamais. Rien à faire. Ah ouais, dommage. Mais bon, après, ça, c'est mon côté, hein. Ah oui, ça, c'est mon côté, ouais. Mais donc, du coup, toi, tu m'avais dit, tu prenais à cause de. Tu bouffais mal ou c'était pas de bol? Bah, en fait, c'est pas de bol, quoi. Ah ouais, bah, ouais, ça arrive. Ouais, mais en comme même ça. Temps, bah, c'est de 16 ans. En fait. Ah, c'est. Ouais, mais à 16 ans, c'est normal aussi. Non, mais c'est chiant, en fait, parce que, par exemple. Je sais pas, j'arrive pas à faire mes repas et tout ça, ça m'énerve quoi. Mais en fait, il y a des jours où je mange peu, il y a des jours où je mange beaucoup en fait. Ouais, mais il faut faire une moyenne. Hein. T'as vu un nutritionniste? Non, mais justement, bah, je vais aller en avoir un. Franchement, moi j'avais le même souci à ton âge. C'était il y a longtemps. Et franchement, les régimes, j'ai jamais réussi. Ah, et ça, je confirme. Non, mais si, après, j'arrive à en faire, tu vois. Mais à 16 ans, j'arrivais pas à faire des régimes. C'était pas possible. Bah, non, mais c'est après, tu galères. Hein. T'es tellement tenté à bouffer chaud. Tout, là, tout et n'importe quoi. T'es en galère totale. Mais après, maintenant, Adrien, il faut prendre sur toi. C'est quand tu vois un chocolat, un truc que t'aimes bien, mais tu sais que c'est dégueulasse, bah, faut pas le prendre, quoi. Non, mais moi, j'aime pas le chocolat. Non, mais quand c'est un exemple, hein, ça peut être des chocolats, des glaces, des bonbons, enfin, je sais pas, des trucs qui sont pas forcément bons. Quand tu manges une fois de temps en temps, oui. Ça passe, mais voilà, il faut arriver à être forte, quoi. Et faut qu'elle stabilise surtout, parce que des fois, elle mange peu, et puis des fois, elle va manger beaucoup, hein. Et déjà, il faut éviter de bouffer trop tard aussi le soir, hein. Oui, mais mes parents, ils me déconseillent de faire un régime, quoi. Parce qu'après, quand moi, je grandis, non mais ils ont raison. Bah ouais. Non mais il faut pas que tu fasses un régime. Il faut juste que tu fasses attention à pas bouffer de la merde. Voilà, 5 fruits et légumes par jour et fais de l'exercice. Exactement, tout à fait. Enlève le coca, mais le sport c'est très bien. Après, ouais, un peu faut sport, trouver le sport qui te plaît aussi. Mais attends, même pas. Bah, je fais du basket. Bah, c'est parfait alors. Ça. Et puis le fait de courir, tout ça ou marcher. Après, il faut même pas spécialement aller dans des salles, commencer à lever des poids. Ça sert à rien. Faites, déjà juste marcher, ça va vous aider déjà. Hein. C'est ce que je fais. Dis la plus grosse paillasse du monde. Oui. Le mec qui veut faire 20 mètres prend sa voiture. Non, t'abuses pas quand même. On va pas loin quand même. Non mais en tout cas, faut pas se mettre la pression trop aussi, parce que plus tu vas te la mettre et plus ça te stresse et plus tu bouffes. Hein. Bah voilà, c'est le stress qui me fait ça en fait. Mais c'est pour ça. Bah là, ça va. Déjà, je pense que j'ai pris du poids, puisque déjà que j'ai fait le ramadan. Ouais. Bah j'ai pris un mort, hein. En faisant le ramadan, pourtant c'est plutôt l'inverse, non? C'est quand tu fais non, le ramadan. Non, ça dépend des personnes. Ah ouais, mais du coup, mais comme du coup tu bouffes pas de la journée, après le soir t'as la dalle et tu te bouffes. Ouais. Ah bah ouais, voilà. Ça c'est mauvais ça pour le coup. Ouais, mais du coup tu vas les reperdre là, attends, bah, un petit peu. Hein. Ouais, là tu vas les reperdre. Bah, c'est galère quoi. Bah ouais, c'est clair Andrea, mais là de toute façon t'as pas le choix hein, maintenant. Hein. Ouais. Bah, va falloir faire attention. Arrive, bah en plus, non mais t'inquiète, ça va aller. Et puis après, voilà, il faut juste pas stresser, faut être à la cool et puis tout va bien Andrea. En tout cas, bon courage. Hein. Merci. Et je peux passer une dédicace. Ouais, à une seule personne, vas-y, tu connais la règle. C'est pas vraiment une dédicace, c'est juste demander aux gens qui ont une chaîne YouTube de s'abonner à la mienne. D'accord, c'est quoi la chaîne? Bah c'est Andreva Trapzone. Attends, c'est quoi? C'est Andrea quoi? Andreva Trapzone ou Trapzone. Andreva Trapzone, pas facile hein. Ouais. C'est quoi? Limite va le mettre sur le Facebook, ce sera plus simple je pense. Bah ouais. Voilà, tu vas sur... En fait c'est une chaîne où je fais des remixes et tout ça. D'accord, mais non, mais va justement, comme ça tout le monde la verra. Tu vas sur facebook.com/mikaelofficiel et puis tu mets l'adresse, comme ça si les gens veulent aller voir, bah ils auront qu'à aller sur le Facebook également, d'accord? Et est-ce que tu peux mettre une chanson, s'il te plaît? Bah, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Si je l'ai, après. Pas, personne connaît mon idole, donc je sais pas s'ils vont apprécier après. Hein. Bah vas-y toujours. Tu peux mettre, si tu trouves, Andrea Nico Hydrog, ça vient juste de sortir, s'il te plaît. Ah, ouais. Bon. Comment t'expliquer? Je ne suis pas sûr d'avoir ça. Non, mais... Bah non. Il y a ça sur YouTube. Hein, ouais, mais comment t'expliquer le son de YouTube pour passer à la radio? Enfin, c'est technique, hein, mais bon. Écoute, je vais regarder, mais sincèrement, je te promets rien pour le coup, d'accord? Non, tu l'as. S'il te plaît, si je la trouve, ça serait trop cool. Si je la trouve, je vais d'abord écouter pour voir ce que c'est, parce qu'on sait jamais. En tout cas, les meufs, elles sont bonnes dans ces clips. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, bah écoute, on va écouter, on verra, ouais. Bon, en tout cas, merci pour le rencard, Andrea. Je te fais des bisous. Moi aussi. Salut, oh, ciao, toi, Andrea. Et puis Vincent, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux, hein. Ok, ça marche. Ben, bonsoir à tous. Merci. Ciao à toi, Vincent. Allez, ciao. Et on va revenir. On se remettra aussi tout à l'heure. Le chéri, je peux te faire cocu. Et puis, dans un instant, on va se faire le jeu aussi pour pouvoir repartir avec vos cadeaux. Le jeu, donc, qui est la rupture. Hein, appeler des gens au hasard et rester le plus longtemps possible. Un battle entre deux auditeurs. Le rester le plus longtemps possible au téléphone en mode rupture. Plein de messages avant de passer au son de Carolina Marquez. Plein de messages de Mehdi, notamment, là, qui dit Mickaël, là, sur la radio, qui vous redonne le sourire le matin et qui vous fait rire le soir. C'est fun. The best. Merci Mehdi en tout cas pour le message. Petit panda aussi, Mickaël, tu peux faire une dédicace à ma maman, c'est son anniversaire, elle vous écoute. Elle s'appelle Carole. Bah, t'inquiète, je vais lui faire une dédicace. Attends, ne bouge pas là. Je vais. Non, mais bah, attends, bah oui, attends. Une belle dédicace. Faut juste que je retrouve mon son. Je le mets pas tous les jours, donc forcément, je l'ai pas sous la main. Bah, je l'ai perdu. C'est parfait. Oh, zut. Ah, et pourtant, je l'avais bien mis. Je l'ai mis là de manière à pas la perdre. Eh bah, tant pis. Bah, je pense qu'on va faire ça, hein. Je peux lui jouer du pipeau si elle veut. Oui, c'est bon, vrai. Carole, ouvre tes oreilles, j'y vais. C'est vrai, tu pourrais je prends mon pipeau, je souffle dedans. Allez, on y va. Tu pourrais lui jouer du pipeau, oui. Ouais. Faut que je te retrouve ton pipeau. Il est là, Carole, il est là, le pipeau, mais attends, faut que je le nettoie un peu. Parce ah, bah vas-y. Il y a un peu de crasse dedans. Vas-y, c'est bon, il est propre? Ouais. Allez, vas-y. Quel voilà. Talent! Voilà, oh, c'était beau, c'était ah, beau. Quel magnifique merci. Talent, effectivement. C'était beau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'était beau. Bon, eh ben, en tout cas, moi, là, je l'ai retrouvé, tiens, bon anniversaire. Ah, ben voilà. Voilà. Voilà, c'est pour ta maman, petit panda. T'as vu avec la musique et tout, hein. Voilà. Et hop, la finale. Voilà, bravo, bon anniversaire, voilà, petit panda, enfin à la maman en tout cas. Wendy qui dit je fais effectivement partie de ces pétasses qui prennent pas un gramme. T'as de la chance, Wendy. Let's be freaks, il dit le 06 va bien, Mickaël, don't worry. Bah, je m'inquiète pas, mais je me renseigne quoi. Unreachable aussi sur le Twitter qui dit moi je mange comme une vache, je prends pas un gramme. Bah, bravo. Et alors, Roger aussi qui dit mort de rire, vous êtes des ouf, les mecs, je me tape des barres tout seul là-bas. C'est le but en même temps. Il y a Suce-moi le 06 aussi qui dit yo, je vous adore, vous faites délirer les gars. Merci, quel magnifique pseudo. Et puis Ben toujours sur Twitter qui dit le mec n'est pas sympa avec Toff. Et Polo l'américain là, oui mais il était en mode americano ce soir. On appellera encore d'autres personnes dans un instant. Vous bougez pas, soyez tous les bienvenus. C'est Mickaël No Limit, on est là ce soir jusqu'à 2h du mat. Il est bientôt 1h, donc on est quand même encore à la cool, hein. Au cœur d'une heure sans pub en plus sur Fun Radio, profitez-en. Il y a qu'ici que ça se passe ce genre de choses là. Mickaël No Limit jusqu'à 2h avec Carolina Marquez maintenant, bonne soirée. Bonne nuit sur Fun Radio, là, 1h pile. On est au cœur d'une heure sans pub et ça, ça fait plaisir. On est encore là jusqu'à 2h du mat, donc n'oublie pas de prévenir vos potes, hein, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h du mat sur Fun Radio, lundi, mardi, mercredi, ouais, jeudi et le dimanche de 20h à 23h. Prévenez vos potes qu'on est là en direct et puis on est les seuls à être là en direct, alors venez. Pas mais plus oui, compliqué que ça. S'il y a des potes qui s'emmerdent là maintenant là, bah, vous leur dites hop là, il se passe quelque chose sur Fun, qui viennent écouter. Bah voilà, exactement, il y a Tom aussi qui vient d'arriver sur le Twitter là. Salut Tom. Il y a Yog également, il y a Ryan aussi, Gariz, Nicolas, Anthony, et Alexandra aussi qui viennent débarquer. Il y a j'en ai plus désolé qui vient d'arriver aussi, il y a Zay, il y a Laure. Qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a la fan des Wendy, Romain également, Jonathan, Spears également, Lindrex, bref, tous les autres, je l'ai dit hein tout à l'heure, je l'ai dit hier également et je l'ai fait, tous ceux qui me font un follow là sur Twitter, eh bien je les followerai également. Voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas, vous tapez M-I-K-L officiel sur Twitter et puis pareil aussi sur Instagram. Voilà, je parlerai des cadeaux aussi sur Facebook, mais ça arrivera. Jesse sur Facebook qui dit aussi Mickaël, tu gères, vous faites bien rire, un coup de lance-flamme. Oh bah écoute, allez. Voilà, mais il faut pas trop en abuser parce que la bonbonne de gaz est presque vide. Il y a Lucas aussi qui dit Mickaël, tu fais kiffer la team aussi, le pipeau c'est dément, fais passer le message à l'antenne là, je vous écoute, t'inquiète, tiens et hop. Voilà. Voilà, popo. Polo qui se fait un coup de pipeau là justement. Et puis tout à l'heure on a eu Andrea là qui est passé, qui nous a dit est-ce que vous pouvez passer comment ça s'appelle encore Andrea Nicoïdre, un truc comme ça. Voilà. Et donc du coup bah on a trouvé le son sur YouTube effectivement parce qu'on l'avait pas dans la machine. Hein, parce qu'à un moment je regardais dans la machine ici à la radio, je dis mais merde putain on a pas ce morceau, je comprends pas et tout. Bon. Bah on a l'explication. Hein. Bah alors, ouais, alors écoutez bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est bonne, hein, elle est bonne. Non, ben heureusement, on a ça. Hein. Ouais. Mais je crois que je vais en mettre sans le son. Hein. Ouais. Attends, vas-y, laisse aller jusqu'au refrain quand même. Attends, on va écouter le refrain. Hein. Eh, dites-nous, tiens, avec le hashtag Mickaël, si vous voulez entendre sur Fun, que je sache si je me suicide ou pas maintenant. Donc vous mettez hashtag Mickaël et puis sur le Twitter, vous le dites maintenant là. Et merci d'ailleurs sur le Twitter, j'ai vu qu'on était en top tweet grâce à vous ce soir. Ouais. Donc merci encore. Hein. Il va retourner le lance-flamme. Ouais. Je crois que je vais prendre le lance-flamme avec les dernières vapeurs de gaz qui résonnent, je vais le mettre là. Oh putain. Oh là là là. On est bon là. Ah ouais mais on est pas mal du tout là. Attendez je vais essayer là. Et Polo vas-y gère pour voir là. Vas-y. Ça se marie bien hein. Bah ouais ça se marie bien. Je crois que je vais me lancer dans la chanson ouais. Je sais pas de quoi d'où ça vient. Bah là. Écoute je sais pas. Bon enfin bon en tout cas c'est bien hein. Wow. Ah ouais, donc c'est Nicoïdrug. Eh ben très bien parfait. Donc dites nous hein, hashtag et Mickaël, est-ce que vous voulez l'entendre ou pas. On sait jamais hein. C'est... Oh, on sait jamais sur un malentendu. Oui, oui. Mais par contre, si vous êtes un mec, vous voulez aller voir le clip, allez-y. Hein. Ah ouais, là, pour le mettez coup. Mettez pas ouais. Le son, ça, c'est pas nécessaire. Pour le coup, vraiment. Il y a Petit Panda aussi qui dit Mickaël dans le lit avec ma mère, on vous kiffe, encore merci. Qu'est-ce que tu fais dans le lit quand même, Petit Panda, là, ça m'inquiète beaucoup, ces conneries-là. Clara aussi qui dit moi, je suis fan de Polo et de son pipeau, bah, il est là. Hein. Voilà, quel grand talent, là. Et puis, il y a Philou aussi sur le merci, Twitter, là, qui merci. Cherche une localisation, une location, pardon, une colocation dans le 15e, porte de Versailles, où ici les Moulineaux. Eh ben, voilà, très bien. Il faut le mettre en relation avec, Yannick. Eh ben, Philou, là, file-moi ton numéro de téléphone sur mon mail, mikl@funradio.fr. Il y a Melinda aussi qui dit, vous me faites délirer, là, je vous écoute tout le temps, ça fait plaisir. Ben, on est là depuis hier, hein, de 23h à 2h du mat, donc préviens tes potes. Et puis Benji qui dit, j'ai ma dose de fou rire avant le boulot, c'est bon, vous êtes au top. Merci Benji. Pour le message là, c'est gentil. Alors, on retourne vraiment maintenant avec la rupture. C'est Albin et Priscilla. Vous êtes là tous les deux. Salut. Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, ouais, tranquillement. Théo qui vient d'arriver. Tiens, c'est pas mal cette émission. Merci Théo, surtout avec le pipeau. Ah. Ben. Vous aimez le pipeau ou pas? Ouais. La classe. Ouais, hein. Sympa. Ouais. C'est avec toutes les autres radios ont voulu nous. Je viens de recevoir des messages là de toutes les autres radios là qui disent ouais machin ouais. On veut le pipeau. Et j'ai bah dit non. Quoi ah non, j'ai pas dit moyen, exactement. C'est exactement ce que j'ai dit Priscilla. J'ai dit allez vous faire voilà. Tu vois, il n'est pas question que je lâche le pipeau. D'ailleurs, demain, Polo fera la Clairefontaine. Oui. Mais bon, t'emballes pas non plus. Faut que j'apprenne les. Ouais, mais. T'emballes pas. Faut que je nettoie le pipeau. Ah, sinon, il y a Arnaud qui vient d'arriver qui dit non, pas cette musique, mettez plutôt le lance-flamme à la place. Oui, on peut, effectivement, ouais. Attends, on remet la musique pour voir. Ah, on est bien là. Ah, c'est un remix d'Ensplore ou. Non, c'est plus loin de la chanson. Oui, parce que si tu remixes ça, ça... Voilà, je pense qu'on est bien là. Là, on est pas mal. Là, ouais, on est pas mal. Elle vient de me chuter un de ses regards dans le clip. Et il y a Mélie. c'est un clip qui est con. Et alors, je te jure. Enlève ta main de ton pantalon. Ouais, c'est ça, reste calme. C'était pas pour moi. Reste calme. Bon, il y a Médicament également sur le Twitter qui dit tous mes potes écoutent Mickaël, ils sont poétés de rire. Bah, tant mieux, bah, préviens les autres, que les potes préviennent les autres potes et ainsi de suite. Et Arnaud qui dit non, pas cette musique. Ah oui, le lance-flamme, ça y est, c'est fait. Bon, retour avec Albin et Priscilla. Donc, le pipeau, c'est bon, on le garde à l'unanimité, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, en tout cas, entre nous, là, dites-nous aussi, hashtag et Mickaël, est-ce qu'on doit garder le pipeau ou pas? Ou est-ce qu'on le revend à une autre radio? Le pipeau, c'est ça? Faut vendre cher, alors. Hein. Ah je sais bien, attends mais t'inquiète pas, hein, celui à la radio qui va acheter le pipeau, ils vont se saigner. Hein. C'est lié aussi qui dit je suis totalement fan du pipeau là, c'est pas mal l'émission, bah, tant mieux. Le talent qu'il a Polo quand même, c'est Steven qui avait envoyé le message. Bah oui, écoute, c'est un talent caché. C'est ça. Qu'on aurait peut-être dû bien laisser cacher. Oui. Mais enfin bon. Ça aurait été mieux. Bon, allez, on y va pour la rupture maintenant. Albin, Priscilla, le principe est simple, donc vous avez droit à deux appels chacun. On prendra en compte le plus long bien entendu. Et donc le principe est donc que l'un de vous deux doit faire plus long que l'autre pour repartir avec soit l'iPod Nano, soit avec le casque de DJ. Albin, Priscilla, lequel des deux veut commencer? Vas-y, fais ton ancien homme. Bon. Ça, c'est marrant. Oui, bah, c'est bien ce qu'on disait, donc on avait Albin. Ok, d'accord, c'est vrai, c'est Priscilla qui choisit, très bien. Bon, ben Albin, on y va, on appelle, donc une rupture, il faut discuter avec la personne qu'on appelle, je ne sais pas du tout qui on appelle, est-ce ça va être un garçon, une fille, aucune idée. Oh, et il faut... je suis dans la merde. Ah ben, mec, ça peut être un vieux, ça peut être un jeune, on sait pas, d'accord? Ok. Bon, faut être bon, je compte sur toi, d'accord? Ouais, je vais essayer, ouais. Bah ouais, écoute, j'espère. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, en espérant que ça décroche, à ce moment-ci, évidemment. Albin. Allez, c'est parti, mec, on y va, on y croit, là, on croit en toi, là, on y va. Et Toff, il prend le chrono. Il faut être en forme en plus. J'espère qu'il dorme pas, quoi. Ah bah, c'est il y a des chances. Hein. Bon, je vais quand même appeler l'autre. En même temps, on sait jamais. Bah, tu es les oreilles. Allez. Ah bah ouais, à cette heure-ci, il y a des chances. Attends, je vais en appeler un troisième en même temps, là. Y'en a. Allô. Merde, il a raccroché, il fallait décrocher. Il fallait prendre Albin, là. Il avait décroché, le gars. Attends, on le rappelle. Ah, merde. Dès que ça sonne plus, tu y vas direct. Hein. Ok. Vas-y. C'est bien parce que Priscilla est à la bonne place. Pourquoi? Parce que comme ça, elle connaît le score d'avance, tu vois. Elle peut... Oui, c'est pour ça qu'ils veulent passer deux. Ouais. Bon, c'est pas grave, on appelle encore un autre, là. Il veut plus décrocher, là, le relou. Oh, le relou, on y va. Ah bah, putain, ils sont relous. Il faudrait qu'on fasse ça plus tôt, à mon avis, hein. La semaine prochaine. Ça risque de pas durer longtemps, hein, si on sort quelqu'un du lit, là. Pourtant, il y a deux secondes, il décrochait, hein, parce qu'on les a testés avant. Hein. Ouais, j'avais pas capté qu'il avait décroché, en fait. Bah ouais, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète. Ou alors, si vous avez des numéros aussi, balancez-les, hein, sur les SMS, là, des numéros de gens qu'on peut appeler, si vous êtes sûr qu'ils sont encore debout à cette heure-ci, là. Bonjour. Allô. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Ah oui, on a compris que c'était le répondeur téléphonique. Hein. Donc si vous avez des numéros là, de gens qu'on peut appeler maintenant, là tout de suite, vous envoyez le numéro maintenant au 64-900, débutez le message par Mickaël, ou alors directement sur le SMS pour la Belgique au 30-44. Bon, on en appelle encore un alors pour voir, hein, on verra bien. Et sinon, on prendra avec les numéros des auditeurs là. Allez, attention. Albin. Sois prêt, on sait jamais. Ouais. Ah, ils nous ont tous plantés, dis donc. Bon, alors Albin, c'est pas grave, on va faire avec les auditeurs dans un instant là. Donc, balancez-nous okay. Les numéros si vous êtes certains, genre qu'il y a encore des gens qui sont debout, pas forcément chez vous, hein, mais donc ailleurs, quoi. Genre l'oncle, la tante, genre un petit peu qui a un peu de mal à s'endormir rapidement là. Bah, vous balancez votre. Non mais c'est vrai. Vous balancez le numéro maintenant par SMS, on va les prendre et on va les appeler dans un instant en direct sur Fun. Donc ça se passe au 64-900 maintenant, donc par SMS ou alors au 30-44 pour la Belgique. Débutez le message par Mickaël. Bon, attends. Apparemment, on a un autre numéro qui vient d'arriver là. C'est un auditeur qui nous l'a donné au standard. Au standard, parfait. Ouais. Bon, alors vas-y, Albin. Ok. Normalement, ça devrait décrocher là, a priori, j'espère. Allez, mais à sortir, ils ont peur. Hein. Ah, ça a l'air. Désolé, mais la messagerie du 02. Elle est pleine en plus, ah bah super, très bien. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, on va le refaire dans un instant. Albin, la bouge pas de là, Priscilla, bouge pas. Comme ça, tu vois, t'as pas trop la pression, hein, ça qui est bien. Hein? Non, je parlais à Priscilla, mais elle me parle pas. Ah ouais, non, pas de soucis. Elle m'a nié complètement, la Priscilla. T'as vu comment t'es là? Non. T'as vu comment t'es? Je pensais pas que c'était à moi que tu parlais. Bah oui, mais si je parlais à toi, justement. Bon, Priscilla, bouge pas, on va revenir avec toi, avec Albin, on va se faire les ruptures dans un instant, là, donner tous les numéros. Si vous en avez, vous pouvez appeler Sandro aussi au standard, hein, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis je vous cale du son aussi dans un instant. Le son de Calvin Harris sur Fun Radio. Calvin Harris avec I Need Your Love, c'est ce qui va arriver dans un instant. La bonne soirée tout le monde, Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 02 851 4x0. Allez, c'est Fun Radio là, bonne soirée tout le monde là, 1h13, on est reparti avec plus d'une heure sans pub là, on est tranquille, on est à la cool. On va se faire dans quelques instants là, bah, les jeux de rupture là, ouais, apparemment on a des numéros là, ça y est c'est bon, ça va débarquer dans un instant sur Fun, donc restez bien là. Et puis on a aussi plein de messages qui arrivent là, il y a Frédéric aussi qui dit il faut garder le pipeau là, il appartient à Fun, je vous confirme. Alors il y a quoi aussi, il y a Jonathan aussi qui dit je préfère encore le pipeau de Polo à de la musique pourrie là qu'on a entendu là tout de suite. Ah ouais, ça c'était comment elle s'appelait encore la musique là, j'oublie, là. Andrea c'est quoi, quoi là. Tu veux je te remettre un bout? Ah bah vas-y, mettre un bout pour le voir. Hop, voilà, c'est parti. Ah oui, c'était Andrea qui vous demandait de passer ça. Alors je vous ai demandé hein, si mettre hashtag et Mickaël sur Twitter là et nous donner vos avis. Est-ce que vous voulez qu'on passe ça ou pas? Et pour l'instant, à l'unanimité, c'est non. Alors DJ Kylian aussi qui dit on garde le pipeau, il y a pas de raison. Benjamin qui dit on garde le pipeau, là, le vent surtout pas le pipeau. Charles-Edouard aussi qui dit le pipeau. Et puis Eric qui dit tout est à team, vous êtes les meilleurs, surtout le pipeau. Ah bah si vous voulez le pipeau, hein, on vous le met. Voilà, et puis il y a aussi c'est quoi ce nom là, comment tu gélises ça sur Twitter là, Néard qui dit garder le pipeau, ça met un aspect 17e siècle dans l'émission, bah ouais. Et puis Les Biflux qui dit faut le garder le pipeau, j'adore là, bravo Polo, joue encore s'il te plaît, ouais. Jouera tout à l'heure là. Et bien il joue toujours les mêmes notes, c'est dommage. Et puis il y a Del Puech aussi qui dit Mickaël, nous on garde le pipeau. Colin qui dit j'adore écouter Fun le soir, là vous me faites marrer. Bon bah très bien, allez hop, vous balancez tout ça. Le hashtag est Mickaël, est-ce qu'on doit passer le morceau d'Andreas Massin chouette? Et est-ce qu'on doit vendre le pipeau à une autre radio qui nous a fait une offre? Vous balancez tous vos messages maintenant, je compte sur vous. Ça se passe tout de suite sur le Twitter là. Hashtag MIKL sur Fun Radio. Et puis on s'écoute le son de Calvin Harris maintenant, je vous l'avais promis. Au cœur d'une heure sans pub, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat. La bonne soirée tout le monde. Bon, c'est un peu la merde aux gens, mais c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû, t'as vu. Prenez le contrôle. 02 851 4x0. C'est toi, sale pute là, qui tu m'assumes? T'as un problème? Ouais, il y avait un problème apparemment. C'était tout à l'heure pour ceux qui viennent de débarquer là. Oh là c'est bien vrai. Marré avec tout le monde, avec Tara, avec Charlotte, avec Anna. Avec Guillaume aussi le pauvre là évidemment, hein, qui était là, qui était au milieu là. C'est malheureux. Hein. Bah, c'est un peu la merde aux gens, mais c'est ma faute aussi. J'ai baisé un mec, j'aurais pas dû, t'as vu. Ah, bah clair. Ouais, t'as vu. Bah ouais, c'est ça. Tout ça pour. J'aime trop la bite et tout. Oui, ben voilà, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le problème. Bon allez, restez sur Fun Radio, on va se caler encore du son tout à l'heure, on est au cœur d'une heure sans pub là, donc restez bien là. Et je vais vous mettre un vieux son là, David Guetta avec Sexy Beach tout à l'heure là, ça va changer. David Guetta avec Ekon tout à l'heure avec Sexy Beach sur Fun Radio, ça va débarquer là. Et puis on va enfin pouvoir jouer Albin et Priscilla là, avant de continuer à parler de logement, parce qu'apparemment j'ai envoyé le mail là, de Philou à Sandro là, pour qu'on puisse rappeler Yannick. On aura Nadège aussi là qui voulait parler de Miss, voilà. Et puis Priscilla, Albin, vous êtes là? Ouais. Bon parfait, alors apparemment on a des bons numéros là, donc on appelle directement. Albin, c'est parti, on perd pas de temps. Le principe, okay, c'est simple, il faut que t'arrives donc, comme je le dis, pour gagner ton cadeau, à avoir une conversation de rupture la plus longue possible, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Bon déjà il faudrait que ça décroche avant qu'elle soit longue. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Yep. Oui, allô? Bonjour Maurice. Ouais. Hello? Oui, allô? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a à l'appareil? Ben en fait, je vais te parler parce que c'est pas facile pour moi, mais franchement, j'ai réfléchi, tu vois, je suis allé en bar avec des potes et on a fait le point, tout ça, et franchement, je crois qu'il faut qu'on mette un terme à notre relation. Je suis désolé, mais c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour toi, je sais, mais c'est comme ça, tu vois. Oui, mais là, vous êtes à la gendarmerie, hein. Un petit pot. Ah. Oui. Oui. Ben, recommencez pas parce que je vais y aller, hein. Ah d'accord, peut-être que c'est un collègue, je sais pas. Oui. Oui. 40 secondes. Hein. Hop, terminé. 40 secondes. C'est gendarmerie. Ouais, parce que nous, on les appelle avant pour être sûr que ça décroche. Regarde, on s'est déjà fait niquer là tout de suite. Donc, tu vois, comme quoi ça marche pas tous les coups. Bon, alors 40 secondes. On fait le deuxième appel. Deuxième, ouais. Bah ouais, je sais bien, mais comme c'est déjà tendu pour les capter, les gens. Albin, est-ce que tu veux ton deuxième appel ou est-ce que tu es content quand même avec ça? Comme vous voulez. Hein. Sinon, on fait passer là Priscilla. Ouais. Elle fait ouais, son voilà, appel. Son tour. Et après, ouais, lui, s'il a envie de retenter. Ok, on y va. Priscilla, t'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Bonne chance, Priscilla. 40 secondes, c'est le score à battre. Est-ce que l'Alsace sera devant Toulouse? On verra. L'Alsace devant la Haute-Garonne. Allez, l'Alsace. Messagerie Télé 2, bonjour. Ah, Télé 2, maintenant. Télé 2, c'est quoi? Attends, on continue. On continue. C'est peut-être Maddy, il a mis ça sur une vieille cassette. Allez, vas-y, Priscilla, 40 secondes à battre. Allô? Oui, allô, c'est moi. C'est qui? Ben, dis-moi, je voulais savoir, là, il est plus d'une heure, t'es toujours pas rentré. Je suis devant la maison avec les enfants et franchement, c'est plus gérable. Tous les soirs, c'est pareil. Et franchement, j'en ai marre, quoi. Ça peut plus durer comme ça. J'en peux plus. Cette victime s'est menée tous les jours. Et nous avons une comédienne. Je peux plus rester comme ça. C'est trop dur pour moi. Je sais plus où j'en suis, je sais plus comment faire, et je sais pas, faut qu'on trouve une solution, sinon franchement c'est terminé, quoi. C'est fini entre nous, je peux plus continuer comme ça avec toi, c'est pas possible. Toujours là. Je suis vraiment désolé, excusez-moi, mais vous êtes trompé de numéro. Non, c'est pas possible, j'ai ton numéro, il est enregistré dans mon téléphone. Je n'ai pas pu me tromper. T'as jure, hein. C'est qui au téléphone? Une minute. C'est qui, c'est moi. Je peux plus, Je ne peux plus. Il a pas envie de raccrocher, elle est pas mal. Je voudrais savoir qui c'est au téléphone quand même. Mais c'est Pris qui sait que tu veux que ce soit. Je suis vraiment désolé, vous êtes en train de délirer, madame. Oh, elle est bonne. Et le mec, non, est désolé. Non, mais c'est pas possible. C'est bon. Je suis pas folle quand même. C'est qu'on posait le bon numéro de téléphone. Bah, je voudrais savoir qui est-ce et qui vous a donné mon numéro de téléphone pour que vous me fassiez cette connerie. Mais il y a personne qui m'a donné votre numéro. Je l'ai dans mon téléphone. C'est enregistré. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je n'ai pas déliré quand même. C'est le père de mes enfants, quoi. Voilà, ça dure. Oh, elle va loin, elle. Ah, elle gère. Imagine, il y a sa femme qui écoute à côté, ça va vous parler. Donc voilà, moi, franchement, je vais mettre un terme à notre histoire, c'est plus gérable comme ça. Bon, Albin, je pense que tu peux oublier, il y a 2 minutes. Là, Allez-y. Mais le gars, il reste. Je comprends pas du tout, mais bon. Si vous voulez. Il pleure, il ose pas raccrocher. Ah, bah, je m'en fous, je raccroche. Ouais, ouais. Viens avec moi, s'il te plaît. Tous les soirs, t'es sorti avec tes amis, et moi, tu me laisses là en chien comme une conne. Oh, elle est bonne. Ouais. Franchement, c'est bon, toi. Il y en a marre. Franchement, j'ai presque envie de pleurer aussi, dis donc. Tu me laisses en plomb, quoi. Je vais presque pleurer aussi. Vous êtes qui? Non, mais. Je vais faire la soirée. Arrête, bon, les mecs, moi je me casse. Arrête. Trois quarts demain. Au départ, tu m'appelles tous les jours. À chaque fois que je te vois avec tes potes, t'es dehors et tu fais bien les jours que tu me connais pas. Tu baisses la tête à chaque fois que je passe. Allez, pipo. On a fait deux enfants, pourquoi? D'accord. Pourquoi on a fait deux enfants ensemble? Je crois qu'il y en a moins. Ouais, bah oui, bah écoutez. Non, mais il s'agit de Messi Deval qui dit elle joue bien. Ouais. Unreachable qui dit elle gère. Mais elle va faire la soirée. Hein. Ah, voilà. Ouais, Jonathan, pareil, elle joue et bien. Et t'as rien d'autre à me dire? Comment? T'as rien d'autre à me dire, à part que si vous voulez, que tu peux encore genre tu me connais pas. Donc là, elle bat le record. Je ne vous connais pas. 3 minutes 15 là. Je suis désolé, madame. Et ça fait 3 minutes 15 que le mec il écoute un dos. Je vois personne en ce moment. Hop là, il a drague. Forcément, s'il y avait une meuf, il serait pas resté là. Une certaine relation. Mais moi je suis disponible. Ça fait 3 ans. Ça reste pas surtout pas. Ça fait 3 ans. Tu me prends pour une conne. Bon, écoutez, peut-être que la personne que vous... Ça y est, il essaie de dégainer là. Oui, vous prend pour une conne, mais pas moi, surtout pas, parce que je vous connais pas. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. Ah, non. Si vous voulez, comment il la retourne là, désolé. Si vous voulez, on peut en parler. Ouais. Si tu le dis, hein. Qu'est-ce que je te dise de plus, moi, maintenant. Record, les 4 minutes, je peux vous dire, ça va être... Oh là là. Tu viens à la maison et tu viens chercher toutes tes affaires, tu prends tout, tu t'en vas, je veux plus jamais te voir, je veux que tu sors de ma vie. Les enfants, tu ne verras jamais, tu les verras plus, c'est fini, fini, fini. D'accord. Bah, écoutez. Je mets tes affaires devant la porte ce soir, tu n'auras même pas à te rentrer dans la maison. D'accord, et vous habitez où? Pour que je vienne les chercher. Là où on habite depuis 3 ans, mais t'es vraiment un con, hein. Mais et il gère, pas hein. Possible, hein. Et il gère. Pourquoi tu me fais autant souffrir comme ça? Ça te fait jubiler? Mais vous savez quoi? Et vous faire foutre. Vous êtes vraiment drôle parce que vous la personne qui oh, vous demande. Putain, de on est parti pour la nuit là. Elle ose même pas me parler. Quoi? Mais comment ça? Ah, pipo, et ça, là. C'est drôle ça. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir qui vous demande de me parler. Mais il y a personne qui me demande de te parler. Oui, oui, bien sûr, je vous crois. Et personne. J'appelle tout seul. Sinon, pourquoi je t'appellerais, franchement? Le mec, pourquoi il croit que c'est une de ses ex qui l'envoie. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je fais quoi, moi, avec les petits? J'ai Enzo et Dylan, là, à la maison. Je les ai endormis encore en pleurs ce soir parce que t'étais pas là. Et ils ont quel âge? Quelle comédienne. Ils ont 18 mois et 23 mois. Ah oh, putain, elle est enchaînée, hein. D'accord. 5 mois, là. Ah, okay. Un gros rapide, problème. Hein. Je suis pas le père, hein. Désolé. Il dit que je t'ai trompé aussi pendant que tu y es. Ah oh, bah oui, éventuellement. Ah oui, éventuellement. Par contre, toi, tu m'as jamais trompé, non? Prends de la tête, là. Tu m'as jamais trompé, toi, peut-être. C'est bon, c'est dommage, elle peut pas nous entendre, hein, mais je pense qu'il y a un moment, on va... Ouais, un moment, on va lui dire, mec. Le mec, même s'il est en chien et tout, je veux bien. Hein. Mais le t'es t'appelles comme ça, dis ça, tu raccroches, quoi. Ah ouais, cassos. Oui, peut-être, sûrement. Je crois que j'ai pas checké tes mails tous les jours. Oh, le cadeau. On est à 6 minutes, là. Comment vous expliquer qu'il y a un moment, nous, on aimerait bien continuer l'émission, là. Je veux savoir qui vous demande de m'appeler, quand même. Ah, il pense qu'il est persuadé, en fait. Non, parce que c'est vachement neuf. C'est un numéro qu'on nous a donné au stade. Personne ne me demande de t'appeler. Oh, mais arrêtez, vous foutez pas de ma gueule. M'appeler en numéro privé comme ça et me sortir une histoire totalement farfelue, je suis désolé, mais... Non, je suis désolé. Non. Bon, bah non, alors... C'est plutôt vous qui vous faites passer pour une conne au lieu de moi. Mais il a pas envie de raccrocher, là. Bah oui, de toute façon, je vais toujours fait passer pour une conne, alors... Un peu plus, un peu moins, maintenant... Je vais être du pipo dans l'histoire. Je suis plus à sa prêt, tu vas me dire. Ah ouais, pas mal. Bon, je suis désolé, mais vous êtes trompé de numéro. Voilà. C'est bon, les petits sont debout en train de jouer du pipo. Elle continue, c'est l'autre, elle veut gagner, là, c'est bon, là. Elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas, là. Et je suis toujours toute seule à gérer la situation. Bon, je mets du lance-flamme. Bon, je vais chercher. Je vais chercher un café. T'es là? Ah ouais. Il se tutoie maintenant. Ah, bon, de toute façon, on en reste là. Ah, bah il a raccroché là. Oh putain, 7 minutes. 7 minutes. Oh là là, Priscilla. Eh, Priscilla, t'as tout déchiré. Hein. Tu m'as saoulé. Je me suis saoulé. Ah ouais, oh, putain. Ah, il voulait pas lâcher l'affaire. Hein. Mais non, mais je crois que mais ouais! Il était là, mais il va jamais raccrocher! Ah non, jamais! Bon, le mec, il avait qu'une envie, c'est de te serrer! Hein. Albin! Elle a failli qu'elle m'a mise! Hein. Ah ouais. Elle t'a mis à l'amende, mec! Ah ouais, ouais, ouais, là, ouais! Oh putain, il y a Thomas sur Facebook qui dit. Sans blague! Thomas qui dit mort de rire, trop génial! Et Paul qui dit de la grande comédie ce soir sur Fond Radio, chapeau! Jonathan qui dit sur Twitter, là, mais cette fille est géniale, trop bien, elle lui a fait complètement à l'envers! Abby aussi sur Twitter qui dit. Et le mec est sympa de rester quand même avec elle! Ah bah ouais, putain, l'autre, elle me prend la tête comme ça en pleine nuit, là! Ouais, ouais! Ah là là là! Bon, heureusement, il y a eu le pipo. Hein ouais, mais franchement, il m'a trop sauvé. Je ne le vends pas, ce pipo. J'ai pas envoyé une clope, quoi. Non, pas le vendre, ouais. Bon, bah, Albin, bah, tu retournes chez ta mère les mains vides. Ouais, hein. Ouais. Bah, ouais, là, bien coup, vide, là, hein, parce que. Ah, mais là, c'est pas. Elle t'a pas abattu, elle t'a démonté la tronche, quoi. Ah, ouais, là, c'est bon. Combien, là. Combien, t'as fait 7 minutes 11. Et Michael, c'était une branlée avec ton répondeur, moi. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Tu veux que je te raccroche au nez? Malheureusement, non, malencontreusement, non, un problème des télécoms. Ouais, ok, mais parce que je t'aime bien, je t'ai laissé gagner. Ouais, ça va. Là. Ouais, t'as vu un peu, hein. Bon, eh ben écoute, du coup, Priscilla, donc c'est les cadeaux, tu vas gérer ça avec Sandro, standard, tu vas choisir entre tout ce qu'on a et puis tu gères ça, d'accord? Ok, ça marche. Bon, allez, bisous, Priscilla. Bisous. Bisous. Ciao. Et on rejouera évidemment la semaine prochaine à la rupture. Là, on jouera un peu plus tôt pour avoir plus de chances de choper les mecs. Oui. Alors, il y avait quoi aussi Best Canular Ever, Mickaël. J'en pleure de rire. Là, c'est hashtag N. Qui un mec sympa, ça a l'air. Ah ouais, ouais, ouais. Je vais me pisser dessus, là. Mickaël, gros dragueur en plus. Ah bah ouais, lui, il était au toque. Hein. Y a, c'est quoi? C'est Miss Easy Boob qui dit mort de rire. Énorme, elle est géniale. Il y a Alexandre qui dit elle est trop forte. Ça va être dur de faire mieux. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va être compliqué. Enzo aussi dit comment se pisser dessus, justement. Oui, c'était compliqué. Ben, si tu veux, j'ai un mode d'emploi, si tu veux, hein, après. Mais bon. Bon, alors, ce que je propose, c'est que, bon, là, au cœur d'une heure sans pub, on se mettre. Oui, oui, oui, David oui, oui. Guetta avec École et Sexy Beach. On appellera encore d'autres personnes dans un instant, là, pour voir un peu comment ça se passe. En espérant qu'on ait plus de chance pour. Bah, mais c'est bon, là, on a des bons numéros, là. Ah, bah, très bien. Coucher plus pour gagner plus. On fera ça dans un instant. Et je vous avais promis aussi de vous remettre, pour ceux qui n'étaient pas là hier, aux alentours de 11h30, le chéri, je peux te faire cocu. Pour ceux qui l'ont raté, il était juste incroyable. Voilà. Énormissime. Donc on le remettra dans un instant. Donc restez sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Il est 1h30. On est ensemble. On est à la cool. Moi, c'est Mickaël. Je suis là jusqu'à 2h avec toute l'équipe. Et David Guetta, Econ. On écoute ça maintenant. C'est Sexy Bitch sur Fun. Yes, allez, bonne soirée avec Fun Radio, David Guetta à l'instant, c'est Mickaël No Limit. Prenez le contrôle, 02-851-4x0. Et on est en direct jusqu'à 2h du mat, là, profitez, on est les seuls à être en direct avec vous, là, pour ouais. Les nouveaux auditeurs qui viennent de débarquer, bah, soyez les bienvenus sur Fun, votre nouvelle maison dorénavant. Et on est les seuls à avoir un pipeau. Et oui, on est les seuls à avoir un pipeau. Alors profitez-en. Allez, Polo. Voilà. Et il y a Unreachable encore très active ce soir, Unreachable, alias Julie là sur le Twitter qui dit Mickaël, mon moral est au top grâce à vous. Bah tant mieux. David aussi qui dit méga record, Priscilla, respect. Ah ouais, elle a tué, hein, ouais, David. Ouais. Wendy aussi qui dit comment tu m'as saoulé. Oui, classe et délicatesse sont les seuls mots d'ordre du roi. C'est vrai, mais là on l'a pour le coup, hein, quand même. C'était long là, quand même. Hein. C'était très très long là, très très long. Et alors Jack aussi sur le Twitter qui dit yeah, vous gérez ce soir, c'est cool. Yamat également sur Twitter, j'en supplie, vendez le pipeau, j'en peux plus. Comme quoi, il y en a qui en ont marre aussi du pipeau. Mathias aussi, juste trop excellent cette fille. Wendy qui dit gère tout, il gère tous les deux, il perd pas de temps le mec. Ah bah non, il a pas perdu de temps. C'est-à-dire que là, il tombe sur un Ken Cassos, là, il veut tout ce qu'il pense, c'est la draguer. Le pipeau, il est mortel. Je pleure de rire à chaque fois. Quentin pareil sur Twitter qui dit elle est trop forte. Eric sur le Facebook, faudrait lui décerner un Oscar à la fille petit panda, ouais. Qui dit Mickaël, il me faut ce pipeau, si je peux me déplacer, il le faut. Non, il y a d'autres radios qui ont demandé, on leur a demandé tellement cher, ouais. Qu'ils ne veulent plus. C'est dommage. Parfait. Bon, on va récupérer Nadège dans un instant là avant de faire d'autres appels encore là. Nadège c'est là avec nous de Bruxelles. Salut Nadège. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon, alors t'es fan du pipeau ou pas toi? Non. Ah, donc tu veux plus entendre le pipeau toi? Bah, ça me dérange pas, mais voilà quoi. Mais est-ce que, parce qu'il y a d'autres radios qui nous ont contactés pour qu'on leur vende, est-ce qu'on doit s'en séparer ou est-ce qu'on doit les garder? Non, si ça vous, ça vous. D'accord. Bon bah merci. Voilà, bon. Alors, Nadège, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-moi, tu nous appelles pourquoi? Bonne fête à Christophe. Ah oui, bonne fête à Christophe, voilà, ça y est, c'est vrai. Bonne fête. Vas-y, Nadège, merci. On t'écoute. Bah, en fait, voilà, moi, je suis candidate, je suis finaliste en tant que Miss Jemap à. Enfin. Miss Jemap? Miss Jemap à Bruxelles? Non, près de Mons, en fait. D'accord. Et en fait, voilà, nous aimerions faire un appel aux candidates pour 2014. Ouais. Parce que voilà, j'ai quand même, il y a quand même les attends, gens. Excuse-moi, Nadège, je suis vraiment désolé. Hein, excuse-moi encore une fois, mais qu'est-ce qui vous arrive au standard encore là? Souffle dans le micro. Oh là là, ça pue là, l'alcool. Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, rien, parce que je comprenais pas pourquoi il fallait dire bonne fête à Christophe, mais c'est la Saint-Christophe en fait. Bah oui. Voilà. Mais non, c'est la Saint-Patrick, c'est pour ça qu'on dit bonne fête Christophe. Non, mais c'est ma voisine qui s'est foutue de ma gueule. Ma voisine du 6ème, hein, sa grand-mère. Et ma voisine de palier. Elle me fait rire. Bah voilà, il y avait rien. Tout ça pour ça alors. Voilà, c'est donc ça. On a interrompu Nadège pour ça. Mais on t'a rien demandé. Bah on m'a rien demandé, je vous vois là en train de glousser comme des dindes. De glousser là, c'est vrai ça. Du coup, pipo. Bon, vas-y, donc du coup Nadège, toi tu veux t'inscrire à Miss Jemap, donc. Bah, en si. Fait, moi je suis déjà inscrite. Voilà, moi je suis déjà inscrite, je suis dans les finalistes. Ouais. Et en fait, avec mon amie ici qui est présente à la maison, on aimerait pouvoir essayer d'appeler un maximum de filles entre 16 et 25 ans, qu'elles soient grandes, parfait, minces, petites, ouais, ou rondes. Je suis d'accord, plutôt 18-25. Voilà, ouais, pour venir nous rejoindre, parce que franchement, c'est une bonne aventure à faire, parce que ici, avec mon ami, on s'est connus à l'école et on se parlait pas du tout, on s'est pas du tout saqué. Bah, mais nous, on peut leur parler, hein. Ouais, mais voilà. Et ouais, ici, en fait, on est toujours à deux, on a beaucoup changé énormément l'une comme l'autre. Moi, des trainings, je suis passée au talon, mini-jupe et tout. Parfait, là, c'est parfait, c'est ce qu'on adore. Donc voilà, s'il y a beaucoup de filles qui sont timides, gênées ou autres, rondes, qu'elles veulent se montrer, qu'elles veulent se dire, ouais. Bon, arrête ton cinéma. Je rigole. Qu'elles veulent dire, bah voilà, c'est pas parce qu'on est rond qu'on n'a pas le droit de pouvoir être jolie, qu'il faudrait quand même essayer de tester cette aventure, parce que moi, en tant que ronde, j'ai beaucoup apprécié cette aventure et je la recommande à beaucoup de filles, surtout que nous sommes entourés d'un bon comité, d'un très bon comité même. Et franchement, on rigole beaucoup. Et vous cherchez pas des gens pour le comité, parce que on peut faire jury, nous on vient. Hein. À mesure perdue. C'est une chorégraphe. Non, ça non. Ah non, mais c'est moyennement. On va falloir remplacer la chorégraphe. Hein. Non, bah voilà. Bon, et du coup, alors qu'est-ce que, parce que vous cherchez, mais qu'est-ce que si on trouve là, les gens ils doivent aller où? Sur la page Facebook, c'est le comité Mijemap officiel, mais officiel entre guillemets. Mm-hmm. Ah, entre guillemets, ouais, c'est pratique, ça, on pourrait pas le mettre en un mot. Mais toi, dans ton cahier là, de toutes les mentions que t'as pris là depuis qu'on est là, tu devrais avoir un peu de stock. Bah voilà, ouais, alors, c'est ça. Donc c'est comité Miss Jemap officiel et le officiel entre parenthèses, c'est ça? Oui, ou alors il y a un site internet aussi, c'est www.comitemissjemap.be. D'accord. Mais tout attaché au fait. Ouais, c'est ok. Bon, celui-là, c'est bon. Bah très bien, bah t'as fini content. Et tu c'est bon. Et en fait, j'ai une amie qui fait partie aussi de l'élection Mijemap. Elle aimerait bien vous dire aussi quelques mots pour. Ouais, bah alors Pipo d'abord. Hein. Ah ouais. Voilà, bah passe-la nous vite fait alors, Nadège. Salut Mika. Ah, salut. Comment ça va? Ça va. Bon, c'est cool. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Julie. Ah, oh, c'est pas vrai. Oh, c'est cool. Bon, Julie, alors. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Elle est où, Brandon? Non, je voulais dire aux autres filles que Ok, je voulais dire aux filles. Parce que forcément, il y a beaucoup de filles qui se la pètent et tout en se disant, moi, je suis la plus belle. Ouais. J'ai gagné les Miss, ça, c'est de fils. Ouais. J'étais moi-même une vraie petite pétasse. D'accord. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai changé. Je suis devenue une grosse. Et aujourd'hui, je suis une folle. Ouais. Et j'ai beaucoup changé par rapport à l'élection. Donc, les filles, un conseil, vous croyez pas pour la plus belle parce que ça y est, je me la pète. Parce qu'en réalité, c'est faux, vous êtes comme vous êtes. Eh oui, c'est un beau mot. Effectivement, je pense que nous terminerons sur cette magnifique. Nous terminerons sur cette note positive. C'est vrai. Nous terminerons sur cette note positive. Et pour fêter ça. Oh non. Voilà. Bon, merci les filles. Et la vraie c'est donnée, hein. Bon, allez, je vous passe nouveau Sandro, justement. Oui, les photos de Nadège. Elle a fait les Miss Nadège, du coup. Ouais, tout à fait. Bah, Nadège, tu peux m'envoyer les photos là? Ben en fait sur la page il y a des photos de toutes les finalistes de cette année qui sont actuelles quoi. D'accord. Si vous nous plaisez, est-ce qu'on peut vous rappeler? Elle a 16 ans. Le nom il était plus violent que le lance-flamme. Écoute-moi. Je brûle. Écoute-moi, Matt, c'est parce que du rage, je suis une star de la rage. Non, mais parce qu'elle sait ce qu'elle gagne, je pense. Hein. Ouais, bah, c'est parce qu'elle. Oh, Nadège, je peux l'emmener au Louis Gallery, tout ouais, ça. Ouais. Génial, la grande classe. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Bon, il y a toujours, non, ça existe encore. Mais, toujours la galerie. Toujours la galerie. Dedans, oui, dans les magasins. Tu pourras faire les magasins, d'accord. Voilà. Bon, Nadège, gros bisous à toi. Merci, Mika, je peux te poser une petite question. Vas-y, Nadège. On peut faire une dédicace, s'il te plaît? Oui, mais à une seule personne. Alors, choisissez la bonne. Bon, ben, je fais une dédicace à tous ceux qui nous écoutent et on vous aime. Oh, ben, c'est gentil. Bon, ben, gros bisous alors, Nadège. Je t'embrasse. Bisous. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Bon, on appelle des gens encore là maintenant là pour vérifier comment ça se passe. Vas-y, avant qu'ils se rendorment. Ouais, ben, justement, ouais. Donc, le principe était simple. On était tombé sur une enquête américaine. Attention, une enquête américaine, sérieux, pas n'importe quoi. Vive l'Amérique. Voilà, exactement, enquête américaine. Donc, simplement pour qui disait que qui... Arrête, t'es pas américain, Polo, là. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, bref. Bon, je vais l'arrêter, sinon il va me saouler. Hymne américaine. Donc, une enquête américaine qui disait que coucher plus, c'était pour gagner plus. Parce qu'apparemment, quand on couchait plus, on était plus, plus ouvert, on était, on travaillait heureux, mieux, voilà. Plus heureux, etc. Donc, on a appelé tout à l'heure et apparemment, alors, on a récupéré, le petit bout, là, tout à l'heure, hein, donc, ça a donné ça. Mais non, c'est... enculé. Voilà, donc ça, c'était pas très très gentil, hein. Non, c'était même très très méchant. Voilà, donc on va rappeler ailleurs maintenant, hein. Allez hop, on a des numéros, vous avez été nombreux à les envoyer par SMS, donc on l'a pris aussi dedans. Ouais. Et bah, tiens, foutre. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Allô, bonjour madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'avais une méthode infaillible pour vous faire gagner de l'argent et je voulais vous en faire profiter. C'est une blague ? Ah non, pas du tout, madame. Non, mais vous avez vu l'heure ? Mais c'est une étude très sérieuse américaine. Oui, non, non, non. Écoutez, non, stop, là, il faut arrêter. Hein. Bah, attendez. Allez, non, non, non, je veux rien savoir. Mais merci beaucoup. Je veux pas gagner de l'argent. Ça va aller trop. Bah, okay. Attendez, madame. Vous donc, voulez... j'ai dit non, merci. Au revoir. Vous voulez pas rester pauvre quand même ? Ah, elle a quand même été plus cordiale que qu'elle. Hein. Mais non, c'est ça, foutre enculé. Voilà. Donc elle a été plus cordiale. Donc on va quand même rappeler. Hein. Oui. Des fois que elle est réfléchie. C'est jamais. Oui, allô. Vous allez quand même pas me faire croire que vous voulez rester pauvre toute votre vie. Salut. Bah attendez. Attendez, ouais. Bon, on appelle encore quelqu'un d'autre ? Bon, allez, un dernier pour la route. Attends, je vous le remets quand même, le... Mais non, c'est... Foutre, enculé. Voilà. Alors, on appelle, c'est parti. On appelle ailleurs, un autre numéro qu'on nous a envoyé par SMS, là. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voudrais vous faire gagner de l'argent. Non, non, merci, monsieur. Si, je vous assure, c'est une étude américaine très sérieuse qui m'a expliqué comment faire. Ah, non, non, non, merci. Hein? Ah, si. C'est très, très simple. Allô ? Ah, c'est raccroché, on rappelle. Attends. Et après, je vous mettrai un peu de pipeau, si vous voulez. Ah, chouette. Avec plaisir. Genre, elle s'est endormie ou... Allô ? Ah. Oui, bonjour, monsieur. Merde, voilà, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Oui. Voilà. En fait, je l'appelais parce que il paraît que si on fait l'amour ensemble 4 fois par semaine, on sera plus riche. D'accord. Et donc, je me disais que peut-être on pourrait faire quelque chose ensemble. Bah, bien sûr, pourquoi pas. Ah, bah, je savais bien qu'avec vous, vous seriez beaucoup plus compréhensif. Bah, bien sûr. Ah, ça vous intéresse, vous, de gagner de l'argent, monsieur ? Bah, gagner de l'argent, non, mais bon. Ah, c'est parce que vous êtes plutôt dans la luxure, vous. Ouais, moi, je suis déjà bourré de caillasse, j'ai pas besoin de ça. Ah, mais vous aimez bien la fesse, un petit coup de... ça vous fait plaisir. Et voilà. Ah, ben parfait. Eh ben écoutez, je propose qu'on prenne rendez-vous, hein. Qu'est-ce que vous pensez d'un jour sur deux ? Comme ça, d'accord. Ça vous... 4 fois dans la semaine. Voilà, c'est bon. Bon, parfait. Ben je viens demain, alors ? Eh, pas de problème. Bon, ben à demain, monsieur, alors, hein. Au revoir. Au revoir. Eh ben parfait. Ah, et pas vrai. Eh ben voilà, nickel, c'est une affaire qui roule. Bah écoute, bon, bah, nickel. Plus heureux, je vais être plus heureux, plus riche, tout va exactement, bien. Exactement, et ça c'est parfait. Bon, dans un instant, je vous remets le petit chéri, je peux te faire cocu. On devrait récupérer aussi Laetitia avec Patrice, là. Ils étaient passés hier soir en direct dans l'émission. On va essayer de gérer ça dans un instant. Et attention aussi, dans moins de 15 minutes, tirage au sort sur le Facebook, là, pour vous offrir votre iPod Nano, là, le dernier à gagner, là. Vous envoyez, vous allez tout simplement sur le Facebook maintenant, facebook.com/mikl officiel. Vous faites un petit live. Like sur sur le logo, hein, enfin sur la petite photo où il y a un iPod Nano à gagner. Et bah, vous faites un like, on tire au sort parmi les likers dans un instant. Allez, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. On écoute Tapo et Raya maintenant. C'est Quitat El Top sur Fun Radio. La bonne nuit tout le monde. Allez, bonne nuit avec Fun Radio avec Tapo et Raya, la nouveauté fun là, que je vous cale ce soir, la Quitat El Top sur Fun Radio. Bonne nuit avec Fun et Angeline aussi qui dit la bonne nuit Mickaël et à tous ceux qui écoutent Mickaël No Limit. Eh, pars pas tout de suite, attends, on n'a pas fini là. Il y a du top qui arrive encore là dans un instant avec Patrice, le mec de Laetitia qu'on a eu hier en fin d'émission. Donc Laetitia qui nous avait appelé parce que son mec apparemment avait un engin un peu trop encombrant, et du coup ça avait du mal à rentrer. Donc on va reparler avec lui dans un petit instant. Il y a Petit Panda qui dit Mickaël, j'offre des bisous contre le pipeau. Non, bah non, attends. Non. Ouais, c'est pas cher payé pour le pipeau. Ouais, ouais, c'est ça, comment t'expliquer que... Ouais, et puis en plus, Pipanda, tu dors avec ta mère, alors c'est un peu bizarre quand même. Hein. Etienne aussi qui dit Mickaël, trop cool l'émission, brûler le pipeau, au lance-flamme, j'en peux plus, c'est Lucie du 46. Ben qui dit vire le pipeau, non, vise, attends, c'est quoi ? Vive le pipeau, il faut le garder. Il est trop top, ne surtout pas le donner. Et message de Kiwi aussi sur le Twitter, revendez le pipeau, où je débarque et je le fais bouffer, mort de rire, je déconne, vous gérez, sérieux, merci. Attention, dernière ligne droite là pour choper bien votre. iPod Nano maintenant sur Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Balancez vos messages maintenant et puis on fait le tirage au sort. Il suffit de faire un like sur la photo. Il y a les iPod Nano à gagner. Bonne chance tout le monde. Je vous l'avais promis aussi. Le chéri, je peux te faire cocu. On va terminer en retard ce soir. Hein. Chéri, je peux te faire cocu. C'était hier soir. C'était du très très lourd. Allez, c'est parti. Alors je disais que c'était du lourd. C'était très très lourd. Oui. Allô, Laetitia ? Oui, c'est qui ? Bah, c'est Jason, c'est moi. Ah, ok. Ah bah, tu me réponds, tu me raccroches au nez, toi, comme ça, maintenant, même quand c'est bloqué. Non, mais t'es en voiture en même temps. Ah, t'es en voiture ? Ouais. Ah mince, tu pourrais t'arrêter ou pas ? Ou tu peux répondre ? Il vaut mieux que ça arrête. Je peux répondre. Non, c'est bon ? D'accord, ouais. Là, parce que je voudrais te dire un truc plutôt important, donc faudrait pas que tu sois sur la route et que tu fasses un accident. Ok. Donc voilà, si tu veux ce soir, en fait, je sais pas si tu le sais, en fait, je fais plutôt beaucoup de soirées en ce moment. Ouais. Et puis ce soir, si tu veux, donc on fait une soirée, on est à peu près 10-15, comme les dernières fois. Et il y a une fille là qui m'a accosté. Ouais. Et bon bah vu que je sais que t'es une fille vraiment super sympa et tout, puis que moi je suis pas un enfoiré, je voulais te demander est-ce que tu me voudrais si je te fais cocu ce soir. Vu que c'est le début de notre relation et tout. Ok, bah nous deux c'est fini alors. Comment ? T'as un téléphone en bois. Nous deux c'est fini alors. Si tu veux coucher avec elle, ok, mais nous deux c'est fini. Allez Elodie, vas-y. Ben je sais pas, enfin c'est elle qui m'a... C'est Jason ? Ouais ? C'est bon, c'est réglé avec ta pouf ? Je sais pas, bientôt. C'est bon ou pas ? Je vais pas attendre trop longtemps non plus, hein. Il y a d'autres garçons dans la soirée. Hein. Je te rappelle. Allô ? Oui. T'es sérieux là ? Bah oui, enfin... Je préfère te le mettre au courant, quoi. Tu vois, je préfère pas te le faire dans le dos. Non, mais... Bon, j'attends sur le lit, Jason. Ok. Oui, attends, deux minutes. Non, mais nous deux, c'est fini. Tu couches avec elle, nous deux, c'est fini. Bah, c'est comme tu m'as expliqué. C'est le début de la relation. Ça fait même pas un mois. C'est bon, tranquille. Mais ouais, mais moi, t'es fidèle. Bah bien sûr, mais c'est pour ça que tu m'as demandé d'aller voir ailleurs. Tu crois qu'on m'a pas accosté ? Comment ça ? Tu crois qu'on m'a pas dragué depuis que je suis avec toi ? Ah bah si, je pense, c'est une super jolie fille, c'est pour ça, mais bon. Heureusement situation. Donc ça, moi, tu vois, je préfère faire le gars, pas faire le gars. C'est sérieux, te demander si on peut ou pas. Ouais. Et moi, je suis jolie ou pas ? Tu vas être jalouse ? Oui. Non mais... Je suis jolie ou je suis bonne ? Oui, t'es jolie. Et bonne ? Oui, si tu veux, oui. Elle est fin pétée, là. Attends, je me rapproche un peu. Bon, alors, c'en est où ? C'est un peu long, là, hein ? Non, mais ça arrive, c'est bon. Bah, attends, passe la main. Allô, Laetitia ? Ouais. Mon grand-père, tu vas me faire cocu, ça, de sûr. Bah... Tu prends le téléphone, Sandro. Que je te dise que ça soit fini entre nous. Si tu couches avec elle, tu vas quand même coucher avec elle ou pas ? Bah, je sais pas. Tu vois, je vais essayer quand même de faire... Jason, passe la main. Allô ? Ouais, ça, je te la passe. Allô ? Oui, tu t'appelles comment ? Elodie et toi ? Tu t'appelles Lily ? Écoute-moi bien. Non, j'ai même pas envie de te parler en fait. Passe-moi Jason. Ben si, il faut qu'on parle. Non, c'est bon. Parce que moi j'ai envie de coucher avec lui ce soir. Non, mais toi, il m'a dit que t'étais une fille super open et que tu pourrais comprendre. Ça fait pas longtemps en plus que vous êtes ensemble. Ouais, mais. Et moi je suis chaude là. Ouais, ben j'ai rien à foutre que tu sois chaude. Ferme ta gueule et passe-moi Jason, s'il te plaît. Jason, il y a qui veut te parler. Ouais, attends, donne-la-moi, c'est bien. Oui, elle n'a pas l'air open, hein. Eh ben, c'est pas grave, attends. Bon, et Jason, c'est bientôt fini, on va pas y passer la nuit, hein. Bah, j'essaie de la trouver. Jason, c'est pas grave, tu te fous de ma gueule, hein. Non, mais est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a ? Que tu lui demandes son avis, hein. Les autres, en général, ils couchent avec une autre, ils préviennent personne, hein. Bah, exactement. Hein ? Est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a ? Bah, je crois pas. Bah, je sais pas si elle s'en rend compte. Ah, bah, demande-lui. Laetitia, tu te rends compte ou pas de la chance que je te donne ? Non, mais tu te fous de ma gueule, t'es en train de me dire que tu vas me faire coquer. Je suis censée avoir de la chance. Est-ce qu'elle se raconte de la chance qu'elle a? Ben je crois pas. Oh ta gueule toi putain. Ahem. Quoi? Tu me le prêtes juste pour la soirée? Ça va renforcer votre couple en plus. Ah ouais, est-ce qu'elle se raconte de la chance qu'elle a? Et moi, bah oui, parce que... ça va te renforcer, ça va te renforcer. Allez, tu sais quoi, moi je voulais. Ah ça va me renforcer la gueule. Raccroche. Ah merde, elle est partie. Attends, voilà, je vais la rappeler là, je vais la rappeler. Je la rappelle, puis après je vous la repasse. Bouge pas, hein. Attends, oh Jason. Eh, j'espère qu'elle est garée. Hein. Ah ouais, t'inquiète, y'a pas de bruit de voiture donc. Attends, on va la reprendre, C'est Michel qui va l'appeler là. Elle s'appelle Ahem. Elle s'appelle Ahem, ouais. C'est mignon comme nom, moi j'ai. Oui, c'est mignon. Oui. Allô, c'est Michel. Passe-moi Jason. C'est Ham Ham. Oui, c'est elle, je reconnais sa voix. Ah, très bien. Passe-moi Jason. Dis donc, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Ah ouais, c'est quoi ma chance? Bah dis donc, il te demande s'il peut te tromper. Les autres mecs, qui d'habitude, moi, en général, avec une autre meuf, je la trompe, je lui demande pas son avis. Hein. Michel. C'est bien la première fois. Dis donc, un peu de respect, on se connaît même pas. Michel. Passe-moi Jason. Attends une seconde, qu'est-ce qu'il y a, Elodie? Tu peux demander à Ham Ham si on peut faire Ham Ham. Oui, bah attends, je vais demander. Alors donc, ça te dérange pas? Passe-moi Jason. Non mais je vais te le passer, mais est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Bah moi oui. Je me rends compte de la chance que j'ai, allez, passe-moi Jason. Ah bah très bien, ah, elle se rend compte de la chance qu'elle a Jason, c'est bon hein. Bah oui, c'est elle un mec honnête. Elle m'a confirmé que c'était ok là, je la repasse. Cool. C'est bon Elodie, tu peux te dessaper hein. Je commence par quoi Jason? Bah attends, on va commencer par... Ah, je suis par... un peu pompette là. Ah bah tu bois depuis les 16h aussi. Ah bah non, là je serais bord torché hein. Laetitia? On peut parler s'il te plaît sérieusement avec les deux? Bah vas-y si tu veux, je vais me mettre dans un coin tranquille, mais bon c'est pas sûr que tu me laisses tranquille, c'est eux, moi je viens d'arriver là. Eh mais les haut-parleurs, on n'entendra plus rien là. Ah tu vois, eux ils boivent depuis les 15-16h. Ouais mais attends, je veux bien être gentil, je veux bien être compréhensible, mais je veux juste qu'on parle les deux. Eh bah vas-y. Je crois que tu voulais quelque chose, enfin... Je crois que tu voulais qu'on apprenne à plus se connaître. Pourquoi tu fais ça maintenant? On n'entend rien là. Elle dit qu'ils veulent plus apprendre à plus se connaître. C'est l'occasion. Non, c'est bon, Jason. Toi, ça se passe pour une pute, apparemment. On m'appelle la poule. Là. Si tu veux, mais tu sais quoi, mais reste avec eux, nous deux, c'est fini, ok? Non, mais c'est bon. Mais non, mais franchement, Jason, t'as vu comment on a fait l'amour hier? On a fait sans capote, et là, aujourd'hui, tu veux coucher avec une autre meuf? Bah... C'est pas trop moi qui voulais au départ, tu vois, mais bon, elle est fine chaude, là, elle arrête pas. J'ai bien essayé de lui remettre Alexis dans les bras, mais elle en veut pas. Mais parce qu'elle est fine chaude, tu peux pas lui dire non? Ah si, mais attends, à force... Ah bah on est des animaux, à maman, hein. Moi, je veux pas Alexis, moi, je veux Jason, hein. Il est trop beau gosse. Laetitia. Laetitia, non, mais c'est bon. Laetitia. Laetitia, c'est Michel. Allô? Ah merde, elle est partie. Dis donc, elle est pas très compréhensive. Hein. Ouais, elle fait pas d'effort, hein, franchement. Ah, c'est ça, hein, franchement. Alors que putain, t'as quand même. Elle devrait avoir de la chance. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. On a pas le répété 15 fois. Hein. Bon, je la rappelle et on va lui dire. Hein, parce que sinon, je pense qu'elle va plus décrocher, maman. Jason, là, tu vas t'en trouver comme un con tout seul. Vraiment con pour moi. Et là, je rigole. Ah bah surtout si t'as galéré avant de la pécho. Ah bah c'est ça. Attends, on la rappelle. Mais on dirait ou pas? Ouais, on est en direct. Attends une seconde, Jason. Je sais pas si elle va répondre du coup maintenant. Ah ouais là ça a l'air plutôt mal barré hein. Envoie un message. Non mais attends, t'emballe pas, une seconde. Il est en panique. Ne bouge pas. Il flippe. Non mais qu'elle réponde vraiment. Merde, c'est le répondeur. Bon attends. T'imagines c'est une vraie rageuse. Et à la fin on lui dit que c'était une blague et tout. Elle dit non, je m'en fous, c'est fini. Moi on fait pas des blagues comme ça. Surtout que Jason, la règle du jeu, évidemment il faut qu'elle redécroche. Parce que sinon c'est considéré comme perdu. Donc t'as perdu ta meuf et le cadeau. Ah bah jamais ça. Attends. Ah bah ouais mais ça. Commerce, tu vas peut-être faire un geste commercial pour ce que je viens de perdre. Si ah bah geste commercial, ouais t'inquiète, je te souhaiterais bon courage mon pote. Ça c'est le geste commercial. Bon attends une seconde, on la rappelle, attends bouge pas. Et sinon on le fera après la pub, si jamais elle décroche pas, je lui laisserai un petit message. D'accord. Bon, si elle décroche pas, dès que tu as un message, je lui dis ouais je suis un trou du cul, laisse-moi te reparler 30 secondes. Oui, c'est ça. Allô? Oui, allô, tu m'entends? C'est bon, je suis tout seul. Bah attends, Non mais faut que je t'annonce un truc. Enfin, je sais pas, c'est moi qui vais te l'annoncer. Non, on va laisser seul. Bah quelqu'un qu'il faut que je t'annonce quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Bah... Kael, il faut qu'il t'annonce quelque chose. Tu permets de demander que je trouve un emplacement pour me poser? Ah d'accord, oui, je vais penser à l'accident s'il te plaît. Vas-y, dis. Mais j'ai pas longtemps parce que là, je suis mal garée. D'accord. Bon, je laisse lui dire. Tu vas coucher avec elle? Non, je préfère que ce soit toi qui me le dise, ça te dérange pas. Non, c'est pas ça qu'il faut qu'on t'annonce, Laetitia, mais c'est autre chose. Là, il est... Bah, dis-le-moi, s'il te plaît. Je lui annonce ou pas? Ah, ah, je suis vraiment qu'un seul con. C'est pas cool. Mais... C'est pas... La pauvre, elle en panique. Eh ben, si tu veux, t'as été piégé par Fun Radio, en fait. Tout ça, c'est un mytho. Allô? Je crois pas. Tu crois pas? Non. Pourquoi? Parce que je te crois pas. Ben, pourtant, c'est la vérité. Hein. C'est moi, là. Non, moi, je me fous pas de toi, j'ai... Là, normalement, on demande une preuve. Non, mais c'est bon, j'aurais explosé ta tête. Parce que là, en fait, elles, eux nous entendent pas, faut le non, savoir. Non, c'est vrai. Bon, par contre, là, ils me laissent un petit peu en chien, l'antenne, là, ils veulent pas m'aider. Non, mais je te crois pas, hein. Bah, je sais que tu me crois pas pour le moment, mais pourtant, c'est la vérité. Ouais. Non, par contre, je comprends absolument pas pourquoi ils interviennent pas, là. Tu m'entends, Mike? Ah ouais. Viens, on repart. Non, non, par contre, non, crois-moi, Laetitia, c'est vrai, c'est Fun Radio. Vas-y. Il n'y a pas de fille, il n'y a aucune fille à ce soir avec nous, mais c'est Fun Radio, et je voulais taper pour te faire, à propos du jeu, je peux faire ce truc. Mais c'est pas drôle. Ah bah, si, c'est plutôt drôle quand on a vu ta réaction. Moi? J'étais très calme. Bah, est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle se rend compte de la chose qu'elle a? Là, on peut la travailler non, longtemps, pas... hein. Oh non. Je l'avais dit. Tu me connais pas, hein. Tu sais pas de quoi je suis capable. Ah bon? Alors vas-y, mais prouve-le alors, hein. Désolé, oh, arrête non. de lui dire n'importe quoi. C'est pourquoi elle rigole maintenant, là? Oui, elle a enfin compris, je pense. Que t'allais la tromper? Non, mais c'est très énervé, là. Ah ouais, elle avait l'air très énervée, effectivement. Et voilà, donc c'était le chéri, je peux te faire cocu d'hier. On rejouera évidemment la semaine prochaine, hein, donc si vous voulez vous inscrire, 01 42 48 5000 ou alors le 02 851 4x0. Bon, alors dans un instant, on va bientôt finir. Hein, j'ai 3 minutes de retard, donc. Bah oui, attends, il y a aussi Patrice, le mec de Laetitia. Alors je sais pas si vous vous souvenez, on l'a eu hier au téléphone, on a eu Laetitia hier au téléphone qui nous avait dit que, ben en gros, Patrice ici présent. Bien sûr. Patrice, donc, sa copine, Laetitia, donc, nous avait dit que t'avais un organe très imposant, trop imposant. Et donc, du coup, t'arrivais pas à la pénétrer, c'est ça? Exactement. Bon, et du coup, alors, on vous avait donné des conseils hier pour aller chercher du lubrifiant. Est-ce que vous avez trouvé du lubrifiant? Parce que là, maintenant, vous êtes plus ensemble pendant quelques jours ou semaines, je sais plus. Donc, du coup, vous avez dû tester aujourd'hui. Ouais, on a testé ça cet après-midi. Ah, et alors? Et quoi? Ça a bien marché en fin de compte. Ah, merde. Allez, bourré. Voilà, Pipo, évidemment. Eh ben voilà, cool. Bah au moins on est content, tiens. Moi, il s'est passé un truc. Bah, je suis content, voilà. Tiens. Tu affaire vois, qui roule. Eh ben voilà, on termine sur une note positive. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même plutôt bien. Ouais. Ouais, c'est quand même pas mal. Ben en tout cas, merci à toi d'être passé. Dis-moi, Patrice. Hein. Ah ben écoute, elle revient. J'ai toujours rêvé de passer à Fun Radio. Donc écoute, quand tu veux. Et elle revient quand, ta chérie? Dans 15 jours, je la vois. Oh putain. Wow. Ah mais donc t'as le mode d'emploi en plus, je pense que... Fais-nous des photos de la pénétration. oui, c'est pour que nous soyons sûrs. Bien sûr, c'est ça. Ça marche vraiment. Exactement, ouais. Bon, écoute, merci à toi en tout cas d'être passé. Tu reviens quand tu veux, Patrice, alors, hein, d'accord? Aucun problème. Allez, passe une bonne nuit, Patrice, et reste fidèle à Fun. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Tiens, justement, tiens, on termine sur une note positive, comme ça fait plaisir. Ah, vous avez été. Ah oui, oulala, mon dieu, j'ai failli oublier le gagnant, disons. C'est ça. Oh là là, j'ai failli fermer la boutique, moi. Alors attention, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante, là, sur facebook.com/michaelofficiel, avec un iPod Nano à gagner. Attention, si la personne qu'on appelle maintenant. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Oui, c'est Blandine. C'est qui? Blandine, très bien, Blandine. Blandine, tu avais liké la petite photo là avec l'iPod Nano. Oui, exactement. Eh ben l'iPod Nano, il est pour toi. Tout simplement. Ah, vous êtes trop cool, sérieux. Eh ben voilà. Merci, vous êtes voilà. Trop. Éventuellement, alors on peut échanger l'iPod Nano contre le Pipo. Non, c'est bon. Tu sais pas ce que tu perds. Un très joli pipeau. Ah oui, très très beau le pipeau, effectivement. Bon, bah écoute, merci à toi en tout cas. Et puis, bah Blandine, tu restes en standard, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? D'accord, merci. Gros bisous. Salut. Ciao. Allez, bye bye. Alors, plein de messages aussi qui sont arrivés. Allez, franchement, vous avez été trop nombreux ce soir. J'ai pas pu tous les lire. Je les lirai en revanche après. Hein. Rassurez-vous, je répondrai aussi à ceux qui me posent une question en particulier. DJ Kylian aussi qui dit comment vous aviez laissé le mec dans la merde. Oui, dans le chéri, je peux te faire cocu en effet. Tu me feras un coup de pipeau avant de dormir. C'est fifou. Ouais, t'inquiète. Allez, hop là. Attends, voilà, je te le mets directement là, comme ça, regarde. Voilà, tu l'as vu ton coup de pipeau avant de dormir là. Unreachable aussi qui dit un petit peu de pipeau. Ah bah je l'ai mis là, Unreachable, pas le mettre 10 fois. Chris qui dit c'est tellement bon le chéri, je peux te faire cocu là, vous aviez géré la team, bah ça revient lundi prochain. Trop marrant comme émission, j'écoute ça depuis hier soir dans mon camion, bah sois le bienvenu Stéphane et puis prudent, c'est sur la route là. Martial qui dit énorme la soirée, je vous adore. Clara qui dit vous devriez offrir des pipeaux aux auditeurs. Ouais, peut-être pas non plus abusé, hein, si, Frédéric. Des pipeaux dédicacés par Polo. Ah ouais, pourquoi pas. Fred aussi qui dit un petit coup de pipeau là. Bah, je vais le mettre là, Fred, là pour le coup. Et puis bah, plein de messages. Hein, bonne musique également. C'est Alexandra, mort de rire, le pipeau, etc., etc. Merci à vous toutes et tous, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Aussi nombreux qu'hier d'ailleurs, ça fait plaisir. Merci. Et puis bravo et bienvenue également à tous les nouveaux qui nous follow là maintenant là sur Mickaël Officiel sur le Twitter. Comme je l'ai dit, il y a Richard qui vient d'arriver juste à l'instant là. Tout Roland également. Il y avait quoi aussi Maxime, Michael, Sanji, je crois que c'est comme ça que ça se dit. This is us également. Il y a Duke, Gabriel, Rachid, encore un autre, Sadoik, Dylan, Joris et tous les autres. Comme je l'avais dit, vous me faites un follow. Derrière, je vous follow également, bien entendu. Voilà, c'est comme ça un échange de bons procédés. Ça marche également sur l'Instagram. Et puis, on se retrouve évidemment demain à partir de 23h sur Fun Radio. La bonne nuit, tout le monde. Et bon courage pour ceux qui se lèvent tôt là. Rassurez-vous, ça va bien se passer. On est bouillants, nous. Mais on sort, ouais, là, ça, soir, ça, on ça sort, va là. Très bien se passer. Allez, ciao tout le monde, à demain, 23h, bye. 23h, 2h. Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti. Je me suis gouré de boutons. Oh, ça arrive même au meilleur. Hein. Bon, allez, c'est parti. À demain tout le monde, 23h. Ciao. Party. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as pas de Sam, t'as le seul.